conduit dans la vie croisière d'assemblage requis. Les nouvelles les plus geeks de toute la vie avec Simon Fitzbay et les choses excellentes à savoir dans C'est un fait. La vie de croisière d'assemblage requis commence à l'instant. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière, l'assemblage requis. On est en direct du SS Requis, le célèbre bateau de ses fous, en ce jeudi 28 juillet 2011. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine. Donc, je vais être seul avec vous pendant 4 heures. Mais évidemment, pas tout seul, hein, parce qu'on a des petits coéquipiers de travail, des élèves, nos amis élèves, dont Simon Fitzbay, qui vont être présents avec nous plus tard dans l'émission pour la chronique Le Scout des Internets. Qui d'autre va être avec nous? On ne sait pas encore. Les gens se font téléporter sur notre bateau. Tout l'été, c'est tellement génial. On va voir de mon côté la chronique C'est un fait, évidemment, avec des choses tellement utiles à savoir et à apprendre. On va aussi avoir la chronique Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Hein, on va régler des problèmes que vous aviez peut-être pas nécessairement. On devrait aussi avoir un poste d'écoute plus tard dans l'émission, donc j'ai très très hâte d'entendre ça. Qu'est-ce que c'est déjà? Je me rappelle pas, mais c'est en franco. Donc ça va être bon, c'est sûr. On commence par contre avec le palmarès anglophone, comme on le fait à toutes les deux semaines. Hein. Ici à l'émission, on bascule d'un côté à l'autre, franco-anglo, franco-anglo, de semaine en semaine. Et là, c'est de l'anglo cette semaine. On va avoir deux nouvelles entrées, dont celle de Julie Holland and the Grand Chandelier, avec la pièce All Those Girls. Bon, on commence en 20e. Voici Chad Van Galen et Replace Me à C'est fou 89 FM. I need Numéro 19. Nouvelle entrée. Can't believe you're treating me like all those girls, all those sweet girls go home to cry and wonder why all those sweet girls. The rain is coming down and petals on the ground like falling snow. Time to go, and I walk away, and I hear you say, I can't believe you're treating me like all those men, all those fine men that took you in into their hearts with open arms. I looked up and wished that I could disappear into the sky, or else to dive into the core of this burning. Jolie Holland and the Grand Chandelier avec All Those Girls, nouvelle entrée en position numéro 19 sur l'album Pint of Blood. On s'en entend une autre nouvelle entrée, Chad Van Gallen avec Replace Me sur Diaper Island. Blood, j'aime ça de parler comme ça. Prochain bloc qui n'est pas composé de nouvelles entrées, mais de pièces qui ont changé de place. Tout à l'heure, il va y avoir Young Galaxy avec We Have Everything. Mais on débute avec Buddy McNeil and the Magic Mirrors et Octopus Hop. Sur C'est fou, c'est la vie de croisière d'assemblage de filles. Now you're starting from the top. Forget about the bump and the bump. Don't let do the octopus. numéro 17. Bon bloc de palmarès anglophone, ça c'était Young Galaxy avec We Have Everything, ça descend d'une place. On a débuté avec Buddy McNeil and the Magic Mirrors avec Octopus Hop qui descend de 3 places. Avant de continuer avec la prochaine position, la 16e Mother Mother que j'adore, on va se faire un bon petit bloc poste d'écoute. Le poste d'écoute d'Assemblage Requis, c'est évidemment le segment où on écoute des albums, des nouveautés qu'on a reçues à ce coup depuis les dernières semaines et tout ça dans l'ordre du disque parce que c'est un poste d'écoute, c'est le principe de la chose. Cette fois-ci, on parle d'Eugène et le cheval avec leur nouveau CD qui s'appelle Plantes et carnivores et autres mécanismes de défense. Oui. Suite au succès de son premier maxi Brisé le corps, la formation indie pop Eugène et le cheval lance enfin leur premier album complet. Le très attendu Plantes, carnivores et autres mécanismes de défense plonge l'auditoire dans un monde surréel où l'inspiration prime sur l'instinct et où le sky is the limit. Les images toujours évocatrices d'Eugène et le cheval mènent la danse et créent une ambiance enveloppante, presque empreinte d'amertume, nous disent-ils. À vivre plutôt qu'à entendre. Hein, ils mettent la barre haute avec leur beau petit texte. On va l'entendre tout de suite, la pièce qui ouvre l'album. Voici Jolie fin du monde sur C'est fou. C'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis. J'adore ça. Verdict, c'est ça. J'adore ça. J'aime pas le fait que les pièces veulent continuer l'une dans l'autre et qu'elles arrêtent à la fin comme ça, mais j'adore Eugène et le cheval. On y entendre Veste anti-balle, précédé de Appartement, qui est la pièce qui était dans le palmarès francophone il y a de cela quelques mois. Et au début, c'était Jolie fin du monde. Donc, sur le nouvel album, Plantes carnivores et autres mécanismes de défense de la formation Eugène et le cheval. Lisons un petit peu leur bio sur leur site, eugeneetlecheval.com. Eugène Ionesco, le maître du théâtre absurde et de la pataphysique, le cheval symbole de liberté et de force, de la fusion d'Eugène et du cheval naît un son original, des compositions audacieuses et des plantes carnivores. Le groupe propose une musique qui se situe quelque part entre l'intensité des Flaming Lips, les arrangements nerveux de Wolf Parade et les bidouillages électroniques de Gorillaz. Il se compare avec les grands. Anciennement de la formation bleue, Pierre-Paul Giroux et Philippe Saint-Denis font Eugène et le cheval en 2008. Le groupe lance en mars 2009 leur premier maxi « Briser le corps ». L'album est alors fort bien accueilli par Radio-Canada et les radios universitaires, dont C'est fou. Un premier album complet, « Plantes carnivores et autres mécanismes de défense » est disponible depuis la mi-juillet. Ils ont lancé leur album le 15 juillet. Vous pouvez aller voir eugeneetlecheval.com, comme je disais, ou encore myspace.com/eugeneetlecheval pour en savoir plus sur eux. Voilà pour le poste d'écoute. On prend un petit moment à nous, comme ça, pour aller se divertir avec des publicités. Et puis, on revient avec plus de palmarès anglophone et un autre mini poste d'écoute tantôt. Ce sera Angus and Julia Stone avec une pièce en français qui s'appelle And the Boys. Alors, reste avec nous, c'est Assemblage Requille. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Totally confused by you. Vous écoutez La vie de croisière d'Assemblage Requis sur C'est fou. Numéro 16. Hey! I keep it a secret. Oh, come on, just one bite. Okay, it's vodka on ice, but then there's women on bikes. Oh, just the women who straddle. Oh, now you are a handful. I forgot about handfuls. Okay, it's everyone here. You mean just all of the people? Yeah, and all of their peers, and all of their pets, and their chandeliers, and their cigarettes. I haven't smoked in years. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. The human race, but for the planets and the stars and everything else in Mars, it's like paradise spread out with a butter knife. I can hardly stand the sight of it all. I can hardly stand the sound of it all. I can hardly stand the taste of it all. Don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed. Everyone's f***ed and they don't even know. Everyone's f***ed and they don't even know. I'm they don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. Numéro 15. On your mind, let it out. Like an exorcist, coming home confused. Handheld, 58 when it's time to get loose. Don't need the ear goggles, looking through the speakers like a scientist. With tubes and beakers, have MCs over my house, fixing blunts. But you rappers, we going out, going Dutch. So pass me the sword. I start swinging, just randomly chopping on a crazy ass bitch. Cause I'm back with the bang boogie, oogie oogie. Strawberry letter 23 like sugar. Oh my god, just look at me. Grandpa been rapping since 83. I'm supersonic like JJ Fad. Crazy ass shit pulling out the bag. Don't forget the tartar sauce, yo, cause it's sad. All these crab rappers, they're rapping like crabs. I have carte blanche, the vagabond. Nas is the narcissist. My pockets are rotund, I'm no killer. But compared to you, I'm more realer. You ain't a shot, a mobster, or a drug dealer. A slug pillar, you're not. Mafioso, no. You ain't got the cutthroat in ya. Beginner, I ain't trying to hear your racket. You work with police, dog, you snitch, you rat. You wear that jacket. How many rappers must get this? Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. Ooh, and I miss the real hip-hop with which I persist. Like rum and mojitos, bullets and bandidos, my supports and soup. Jackets and truth, just dorms. One for the history book. Nasty Nas, what's the word? Count it off on the hook. Let's go. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad Rock, Mike D. That's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys. We can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. Goes inside your brain to pull your bullshit rubber straight out the frame. A lyric spin round like a hurricane twister to get your hologram on off a wolf blitzer. Too many rappers to shake a stick at. I ought to judge a task for every beat rap. I had to listen to cause we can make it stacks. We're stacks records, my squad, we got a pack. We never come a whack. To all you crab rappers and hackers and circuit vendors, keep your splendor. I take the cake, I stole the mold. The golden microphone, well, let's mine the hole. And why all these biters all up in my crotch? Me sniffing, buffing, huffing, and mean mugging with a blimpy bluffing. Back up off me, sucker, you ain't saying nothing. I'm broader than Broadway, I was the project hallway. Dual tape, recorder, lacing auditorials all day. I'm just getting started on this beat, this is foreplay. And when the song finish, I can sing along with it. By the way, I have a strong fetish for Christian Louboutin steppers. I hear Russian blondes the wettest. But anyway, y'all better pay homage to my fellas. And that's what's on my mind. And the rhyme, who's next up? Mike T, for man of mystery. History in the making, and now we're cooking. Titles, awards, and accolades. Through the competition as I sharpen my blades. We come together like peanut butter and sandwiches. Like in a paper, like Picasso and canvases. Rocking stadiums to shitty bars. Go back in time, send up facts from my car. One, two, three. Too many rappers and it's still not enough MCs. It goes three, two, one. MCA, Ad Rock, Mike D, that's how we get it done. Like, ladies and gents, attention. Nas in the house with Beastie Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something something on your mind, let it out. Beastie Boys avec Too Many Rappers, position numéro 15, ça descend de la 3e, donc de 12 places. On a débuté avec Mother Mother avec The Stand, qui descend de 12 sur l'album Eureka. C'est dommage pour ces deux groupes-là de descendre autant. Ce qui est dommage, c'est ce qui redescend ne doit pas nécessairement remonter, mais ce qui remonte, ça n'a pas rapport. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, les 3V. Et c'est à vous, à la maison, vous, les vrais, vrais, il n'y a pas d'autre mot en V qui entre. Vous autres à la maison, les vrais gens, voilà. Donc, c'est avec vous que je vais parler à la place d'une co-animatrice. Donc, vous allez devoir réagir, faire les réactions que ma co-animatrice aurait en temps normal avec ces faits-là. Par exemple, celui qui dit que la girafe peut courir jusqu'à 35 000 à l'heure. Bravo, très belle réaction. Ensuite, les dauphins ne boivent pas d'eau. Parce que s'ils buvaient l'eau dans la mer, ça les rendrait malades et ça pourrait potentiellement les tuer. Ils prennent tout leur liquide, les liquides dont ils ont besoin, à travers la nourriture qu'ils mangent, les dauphins. Hein? C'est bien ça, j'aime ça. Vous, les requins à la maison, parce que bon, faut mettre les gens en contexte, que les requins, c'est aux auditeurs d'assemblage requis, assemblage requis des requins. Nanana. Vous, les requins, qu'est-ce que vous mangez en ce moment? Rien, j'espère. Un insecte, j'espère que vous mangez rien parce que le prochain fait est un petit peu dégueulasse. Un insecte qui s'appelle le Water Boatman peut faire des bruits très très forts avec son appareil génital. C'est vrai, le Water Boatman a la grandeur d'une puce environ, mais ça peut produire un son aussi fort qu'une tondeuse. Hein? Ce bruit d'insecte est en fait le son du petit pénis du mâle du Water Boatman qui frotte contre son abdomen. Le son est tellement fort que les scientifiques, au début, étaient convaincus que c'était un autre animal qui faisait ce son-là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils enquêtent et ils aient découvert que c'était le Water Boatman. La créature est maintenant l'animal le plus fort en termes de son, de bruit, sur la Terre. Connu par l'homme, évidemment. Parlons de choses qui sont peut-être un petit peu plus mangeables. Je sais pas si je mangerais un Water Boatman. Hein. En 1965, Alan Stillman a ouvert le premier restaurant TGI Fridays. Vous connaissez peut-être le restaurant TGI Fridays à New York. Il disait que c'était une façon de rencontrer des hôtesses de l'air. Il disait que c'était le premier singles bar. Bar de célibataire au monde. Alan Stillman, fondateur de TGI Fridays. Très noble. On reste en nourriture. McDonald's a banni les cigarettes dans ses restaurants 10 ans avant que ce soit illégal ailleurs. Je savais pas ça du tout. McDonald's. Je me rappelle dans le temps du McDonald's où il y avait des sections fumeurs et non-fumeurs. En tout cas, si je me rappelle bien, il me semble que c'était là. Ici, on parle de cigarettes, toujours dans le même domaine. Dans un sondage Gallup, 59% des Américains disent que fumer devrait être banni en public complètement. Et 19% des gens disent que la cigarette devrait être bannie partout, juste illégal. Complètement pas le droit d'en avoir. Quelque chose, 19%, ça, c'est un peu loin. Il me semble que les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais bon, ça, c'est une question d'opinion. J'aime ça que vous êtes à la maison en train de réagir et que j'ai pas votre réaction dans ma face. Ça rend la chronique vraiment intéressante pour moi. On se rappelle tous des bandes-annonces de films. Tu sais, il y a toujours une couleur en avant des bandes-annonces. Et on se demande, mais là, vert, rouge, qu'est-ce que ça veut dire, jaune, tu sais. Eh bien, la couleur veut dire quelque chose dans les bandes-annonces de films. Donc, si vous connaissez le système, avant chaque bande-annonce, il y a un petit texte qui s'affiche. Bon, la bande-annonce suivante a été approuvée, blablabla, pour ci, pour ça. Donc, la plupart du temps, l'arrière-plan est vert. Ce qui veut dire que la bande-annonce est safe, sécuritaire, pour les gens de tous les âges, peu importe la cote du film dont on voit la bande-annonce. Par exemple, si un film a 17 ans et plus, la bande-annonce, elle, si elle a un fond vert, elle est visible par tout le monde. Tout le monde peut la voir. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Si un film, donc c'est ça, côté 17 ans et plus, il y a du vert, ça veut dire que la nudité, la profanité, les jurons et d'autres matériaux tellement impossibles à regarder pour les enfants, inappropriés, ont été enlevés. Avant avril 2009, une carte verte voulait dire qu'une bande-annonce avait été approuvée pour tous les publics, mais depuis ce temps-là, ça a changé, c'est pour le public approprié. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand une bande-annonce est montrée en cinéma, c'est pas la même chose. Tu sais, ça veut dire que c'est approprié pour la personne qui regarde le film qui va suivre la bande-annonce dans un cinéma. Donc, si la bande est verte, ça veut dire que c'est approprié pour les gens qui vont regarder le film suivant. Si le film est 13 ans et plus, ça veut dire que c'est aussi 13 ans et plus. C'est correct pour le public du film. Voilà. Les bandes-annonces qui ont une barre rouge derrière ne peuvent être affichées que devant les films cotés 17 ans et plus. Donc, 18 ans et plus, etc. Tout ça en haut de 17 ans et plus. Et les films qui ne sont pas cotés, donc qui sont cotés X, si on veut. Ceux-là montrent, dans le fond, du langage ou des images qui pourraient être inappropriées. Il y a aussi des bandes-annonces avec un fond jaune, ce que je savais pas avant de lire ce fait-là, mais on peut seulement trouver ça en ligne parce que ça a été jugé pour être correct pour les publics appropriés sur Internet seulement. Donc la bande jaune, je sais pas pourquoi les publics d'Internet sont différents de ceux du cinéma, mais bon, c'est comme ça. On reste dans le domaine du cinéma maintenant. Psychose ou Psycho en anglais était le premier film américain à montrer une toilette en train d'être flushée à l'écran. Hein? Ça, c'est vraiment un fait utile. La toilette n'a évidemment pas été créditée dans le film, mais là, l'article nous mentionne que la toilette s'appelait peut-être John, hein? Et que sa seule réplique était flush. C'est joli, c'est joli. On reste dans le cinéma. Samuel L. Jackson a personnellement demandé un sabre de lumière, là, un lightsaber mauve pour Star Wars Episode 2, Attack of the Clones. Pendant les 6 films de Star Wars, des lightsabers, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a de 3 couleurs, rouge, vert et bleu. Hein? Par contre, il y en a un extrêmement spécial, évidemment, le mauve, on vient de mentionner. En filmant la Battle of Geonosis dans Attack of the Clones, Samuel L. Jackson, on va dire avec son nom complet, a demandé à George Lucas si sa couleur mauve pouvait être choisie pour le lightsaber, pour que Mace Windu, son personnage, soit un petit peu plus reconnaissable à l'écran. Mauve est la couleur préférée de Jackson et souvent on la voit dans plusieurs de ses films, donc quand il est un personnage dans ces films-là. Par exemple, Mitch Hennessy portait une bague avec un bijou mauve dans The Long Kiss Goodnight. Monsieur Glass portait des vêtements mauves dans Unbreakable. Jackson a choisi de faire porter à Doyle Gibson un chapeau mauve dans Changing Lanes. Et Lazarus, son personnage dans Black Snake Moan, joue d'une guitare mauve. Jackson est là, je dois insérer un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars Episode 2, Attack of the Clones, là. Jackson savait que Windu, Mace Windu, allait mourir dans Revenge of the Sith. Hein? Donc, il aurait demandé à Lucas de... il a dit à Lucas qu'il n'allait faire le film que si il mourait de façon vraiment grandiose, le Blaze of Glory. Et pas comme un... Il disait, et je cite ici, « And not like some sucker. » Pas comme un épais. Elle veut pas mourir comme un épais. Bon. Bref, ça c'était en cinéma. Passons à un autre sujet, vraiment aucun rapport ici. Ben, en fait, peut-être un peu de rapport, parce qu'on parlait de Mace Windu qui meurt dans Star Wars. Eh bien, maintenant, il y a des codes QR sur des pierres tombales. Tu sais, les codes QR, c'est l'espèce de petit code barre, un genre de dessin bizarre avec des carrés, des niaiseries dedans. C'est d'une grandeur, peu importe laquelle. Dans le fond, c'est affiché sur une affiche. Mettons, là, tu peux prendre ton iPhone et puis prendre une photo de ça et ça va t'amener vers un site web ou quelque chose de caché comme ça par le QR code. Eh bien, des codes QR sur les pierres tombales, c'est vrai, quand tu scannes le code, tu peux aller lire l'annonce faisant mention de la mort de la personne et des photos aussi de la personne décédée. C'est selon USA Today. Ça s'en vient sur mon Québec dans 3-4 heures. On connaît tous la marque Dr. Scholl's, hein, les souliers, les orthèses, un paquet d'affaires pour les pieds, finalement. Il y a vraiment eu un Dr. Scholl, étrangement, parce que des fois, quand c'est des marques de compagnie, c'est pas nécessairement vrai. Mais il y en a vraiment eu un, c'est William Matthias Scholl, qui est un podiatre, qui est né à La Porte, en Indiana. Intéressant. Nouvelle que vous avez peut-être entendu, dont vous avez peut-être entendu parler, mais sinon, je vous l'apprends quand même, parce que je trouvais ça bizarre un peu que la loi soit aussi... Ben, comme ça, finalement. Vu que le gars se défend lui-même et doit pouvoir, par le fait même, voir l'évidence contre lui dans la cour, etc. Donc, un homme de Washington accusé d'avoir violé des petits garçons peut voir de la porno infantile en prison. C'est un fait comme ça. Il a le droit parce qu'il se défend lui-même. Eh bien. En 2009, les Américains ont dépensé 50 milliards de dollars sur des billets de loterie. Hein? 11 États ont plus de revenus de loterie que les taxes, les affaires, les taxes, corporate income taxes. Donc, ça fait beaucoup d'argent, la loterie. Ensuite, chaque ongle de doigt et d'orteil prend 6 mois à pousser du bout à la racine. C'est de la racine au bout. 6 mois. Quand même, hein? Si vous perdez votre ongle, c'est ce que ça va prendre, en moyenne. C'est vous qu'en 1962, c'est un fait que je pense que bien des gens connaissent, mais quand même, en 1962, Crayola a changé le nom de ses crayons couleur peau au mot plus politically correct, pêche, surtout à cause du Civil Rights Movement. Donc, pour ça que les crayons, si vous avez des crayons à la maison, peut-être que vous avez remarqué que c'est plus couleur peau, mais c'est couleur pêche. Et en fait, je trouve ça particulièrement normal de changer cette chose-là, parce que c'était en effet raciste. Les astronautes de la Station Spatiale Internationale voient environ 15 levées et couchers de soleil par jour. Donc, l'International Space Station, l'ISS, est située à environ 220 000 au-dessus de la Terre. Et voyage à une vitesse d'environ 17,211 000 par heure. Ce qui veut dire qu'il complète un orbite à chaque heure et demie. À cause de ça, les astronautes et les cosmonautes à bord de la station peuvent voir soit un lever ou un coucher de soleil à chaque 45 minutes environ. Ce qui veut dire 15 à 16 fois qu'ils vont voir un lever ou un coucher de soleil par jour. Les couchers de soleil sont particulièrement spectaculaires dans l'espace, à ce qu'il paraît, plus que sur Terre, évidemment, parce que dans l'espace, tu peux voir tous les détails à l'intérieur de la... Chacune des bandes rose, orange et bleu au complet. C'est joli. Il y a des photos d'ailleurs sur l'article sur assemblagerockey.com. si ça vous intéresse. Il nous reste quelques-uns encore. La ville de Buford a une population d'une seule personne. Hein? Buford est présentement à égalité pour, dans le fond, les deux villes qui ont le moins de population aux États-Unis. C'est près de l'Interstate 80 dans le Wyoming. Buford avait a déjà eu une population de 2000 personnes à la fin du 19e siècle et jusqu'à récemment avait encore une population de 2 personnes. Don Sammons, qui est le maire, il se dit lui-même le maire de la ville de Buford, est propriétaire du journal le Buford Trading Post. En effet, Buford Trading Post, qui est d'ailleurs sur Internet, si vous voulez aller voir, au BufordTradingPost.com. Ça, c'est du budget là-dessus, en tout cas. Bref, il vivait dans la ville avec son fils, donc c'est pour ça qu'il y avait deux personnes jusqu'à récemment, jusqu'en 2008. Et maintenant, il vit seul, pauvre homme Don Salmon, son fils l'a abandonné. L'autre plus petite ville du pays est Monowee, dans le Nebraska. Contrairement à Buford, elle est très très fière, cette ville-là, parce que Monowee est incorporée. Donc, Monowee a la plus petite ville incorporée, dans le fond, du pays. C'est ça. La maire mairesse de la ville, Elsie Ayler, s'occupe d'une bibliothèque et d'une taverne avec un permis d'alcool qu'elle s'est donné à elle-même parce qu'elle est la maire. Enfin, on s'entend là-dessus. Et elle paie des impôts à elle-même. T'sais. Mais bon, j'imagine qu'il y a déjà des autres villes qui peuvent venir une fois de temps en temps dans son bar ou dans sa bibliothèque, hein? Même si c'est juste une personne qui est officiellement dans cette ville. Et on termine rapidement avec deux petites nouvelles. Pourquoi pas? Le premier couple de lesbiennes à s'être marié à New York, parce qu'on se rappelle, là, le mariage gay rendu légal à New York, etc., depuis quelques jours. Elles avaient 76 et 85 ans. Phyllis Siegel et Connie Kopelov sont ensemble depuis 23 ans et elles se sont enfin mariées le 24 juillet dernier. En plus de voir leur partenariat reconnu formellement par l'État de New York, le couple a aussi la distinction d'être le premier couple de même sexe à New York à le faire. Et voilà. À ce moment. C'est super. Félicitations. Phil Siegel et Connie Kopelov. Et on termine avec un autre fait sur les filles. Tiens, pourquoi pas, la chanson Girls Just Wanna Have Fun, qui est écrite par un homme, je savais pas ça, pour chanter par un homme aussi. Robert Hazard a officiellement inventé cette chanson en 1979. Il voulait à la base qu'un chanteur homme, que ce soit un chanteur homme qui la chante, évidemment, il a écrit les paroles de la perspective d'un homme. Évidemment, la version la plus célèbre de Cyndi Lauper a changé les paroles pour que ce soit un petit peu un hymne féministe. Voilà, c'était son premier single à Cyndi Lauper et finalement, ça l'a rendu célèbre et c'est devenu un classique. On écoute la version originale de Robert Hazard, Girls Just Wanna Have Fun. I know your love for him is Ah ben, pas mauvais, mais ça finit sec pas mal. Robert Izard avec Girls Just Wanna Have Fun en version originale. Ici, la vie de croisière d'assemblage requis. C'est à la fin de cette première heure de l'émission. On se retrouve tantôt et dans la deuxième heure, on va voir la présence de Simon Fitzbay et sa célèbre chronique, le scout des internets. De quoi est-ce qu'on va parler cette semaine? J'en ai aucune idée. Sûrement des affaires avec Apple. Apple, toujours quelque chose de nouveau. Peut-être l'iPhone 5. Peut-être demain. On sait pas. Non. Plus tard que ça. J'attends. J'ai tellement hâte. Restez là, on vient tout de suite. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis, toujours à bord du SS Requis. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret est en congé cette semaine. Vous savez, depuis le début de l'été, on bascule d'un côté à l'autre et la semaine passée, c'était le côté francophone. Cette semaine, c'est le côté anglophone pour le palmarès C'est fou de la période du 18 au 31 juin 2011. Tout à l'heure, en 13e, on entendra Gorillaz avec Revolving Doors, mais on débute avec Wolf & Cobb en 14e. Voici Hearts. Sur C'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. numéro 13. Et Revolving Doors monte de 6 places en 13e position anglophone. Avant, c'était Wolf & Cobb avec Hearts qui monte de 6 en 14e place. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis, évidemment, avec moi, Mathieu Plante. Ben oui, c'est moi, ça, à bord du SS Requis. Et je rappelle que Marie-Pierre Laforge-Bourret est en vacances. Elle sera de retour dans 2 semaines. La semaine prochaine, je vous annonce pour la première fois, c'est Stéphanie Gagné qui va animer avec moi la semaine prochaine. J'ai très hâte. C'est le 4 août. Jeudi entre 13h et 17h. On rappelle, comme toujours, les samedis à midi et lundi à 15h. Alors, on va faire un autre petit bloc de palmarès anglophone tout de suite. Et après ça, on va écouter dans un mini poste d'écoute de seulement 2 pièces, Angus and Julia Stone, avec les 2 versions en français et en anglais de And the Boys. J'ai écouté un petit peu, là. Ça m'a l'air assez similaire, les 2 pièces. Au pire, ça aura juste l'air d'une longue pièce de 8 minutes. Donc, tout à l'heure, ça, c'est Angus and Julia Stone. Aussi, tantôt, Man Man avec Knuckle Down en 11e. On débute avec Black Mountain en 12e position. Ça monte de 2 places. Voici Let Spirits Ride sur CIFRE. We'll be right back. numéro 11. Avec la pièce Knuckle Down, position numéro 11, ça monte de deux places. Et avant, c'était Black Mountain avec Let Spirits Ride. Ça monte de deux places. Maintenant, c'est un autre, mais cette fois-ci, mini poste d'écoute. Et oui, le poste d'écoute, c'est évidemment le segment où on écoute un CD, une nouveauté qu'on a reçue dans la discothèque de C'est Fou depuis les dernières semaines. Et là, ça m'intriguait parce que j'ai déjà entendu le nom Angus and Julia Stone et j'ai entendu de bons commentaires à ce sujet-là. Je sais pas si on en a fait jouer, je me rappelle pas, je pense pas. Mais ils ont sorti un tout petit CD, un single avec deux pièces dessus. Bon, je sais pas si on appelle ça un maxi quand il y a deux pièces dessus. C'est pas un single, c'est pas vraiment un maxi. En tout cas, bref, deux pièces. Pour In and the Boys, version française et version anglaise sur leur album Down the Way. Donc on va les écouter juste parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue de savoir en français comment ça chante Angus and Julia Stone. Alors voici tout de suite. Et comme je disais tantôt, les deux pièces en français et en anglais, de ce que j'ai entendu, ont l'air de se ressembler. Au pire, ça aura juste l'air d'une plus longue pièce, hein? C'est ça. C'est à la vie de croisière d'assemblage requis sur ses fous. Ça, c'est la version française en premier, même si elle commence à chanter en anglais là. It's been days now, and you change your mind again. It feels like years, and I can tell how time can bend your ideas. And the boys go on and on and on and on. And the boys go on and on and on and on.

C'est vraiment très, très, très bon, mais exactement comme je le croyais, les deux pièces se ressemblent pas mal. And the Boys, version française qui a débuté ça, et ensuite la version anglaise de And the Boys par Angus and Julia Stone sur l'album Down the Way. Et là, j'ai ça un petit peu sur Wikipédia parce que j'étais pas très au courant. Angus and Julia Stone ou Angus... Angus and Julia Stone est un duo frère et sœur originaire de Sydney en Australie. Leur premier maxi est sorti en août 2006, leur premier album complet en septembre 2007. Il est ensuite sorti aux États-Unis en 2009 et ils ont sorti un nouvel album en 2010 intitulé Down the Way. Donc, c'est de cet album-là que proviennent les deux versions de And the Boys. Vous pouvez aller voir leur site internet sur angusandjuliastone.com ou encore myspace.com/ la même chose. J'ai bien aimé presque entendre deux fois la même pièce de suite. Tu sais, quand t'aimes une pièce, c'est le fun de la réentendre. C'est un peu ça qu'on a fait. On prend une petite pause et on revient avec plus de palmarès et Simon Fitzbé, sa chronique, le scoot des internets. Restez là! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention, requin. Numéro 10. Sleeping in huge shoes on, easy on all the time. Fortress avec Everything Works, position numéro 9. Avant ça, c'était en 10e place Ringo, Dead Star et Imagine Hearts. On va s'entendre un autre bloc de palmarès avant d'accueillir Simon Fitzbay. Tout à l'heure, il y aura Enjoy Your Pumas avec Do It Every Day, mais on débute avec My Morning Jacket qui monte de 3 places. Voici Holding On to Black Metal sur C'est Fou 89 FM. 7. Enjoy your Pumas avec Do It Every Day sur les tours de C'est Fou, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. C'est la 7e position anglophone. Avant d'entendre la 8e, My Morning Jacket avec Holding On to Black Metal. ça monte de 3 places. Et on va en passer une dernière petite avant que Simon arrive avec son scoop des internets. On écoute donc Huckleberry River. J'aime toujours ce nom-là. Huckleberry River avec Wake and Be Fine. Ça monte de 3 places et c'est maintenant. Est-ce que c'est maintenant? C'est maintenant dans quelques secondes. Blabla. Comme du beurre. Sur le dos d'un canard. Wake and be fine, the Huckleberry River. Caroline, à chaque fois que je vais le dire, je vais faire ça aujourd'hui. C'est vraiment la. Bon, je veux lire ma feuille, je veux lire le mot parce que le mot est drôlement écrit. Huckerville. Huckerville. Huckerville River. Pas dur. Huckerville River. Huckerville River. C'est bizarre à manger mes mots, de toute façon, en anglais. Ben, c'est bon. Le contenu calorique n'est pas tellement élevé. Donc non, exactement. Celui que vous entendez, c'est Simon Fitzbé. Voici le scout des internets. La première heure a tellement bien été, quoi? Je m'en allais le chanter, justement, vu que ça partait pas. Ça a été pas pris. C'est pas grave. Donc, Simon qui nous parle des nouvelles geeks, et aujourd'hui, t'as que moi, donc que quelqu'un qui comprend. Oui. Donc, je vais essayer de quand même m'expliquer pour le public en studio. Ouais, ben, c'est ça qui arrive. Le problème, c'est quand on a Marie-Pierre, ou comme la semaine dernière, Stéphanie, on avait quelqu'un à qui, je dirais pas l'expliquer, donner un cours, mais quand même s'assurer qu'on n'est pas trop perdu dans nos discussions. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ouais, exactement. Mais là, on n'a pas comme de radar ou de plancher ou plafond pour savoir où s'arrêter. Ouais. Là. Je peux faire mon épée. Ben non. Je veux participer à la conversation aussi. Je vais faire une autre voix, genre un autre épée sur un autre micro, m'amener ça, puis ça va être une petite voix. Ah ouais, ça serait pas pire. Ça. écoute, on a de très, très, très, très bonnes nouvelles cette semaine au niveau de la technologie, en fait. Mais cette semaine, on dirait que Lion comme a tout gobé ce qui se passait de nouvelles dans les deux dernières semaines. C'était une très grosse nouvelle, en effet. On a parlé de ça, je crois, environ une demi-heure, 35 minutes la semaine passée. On a fait le tour de pas trop. Presque tout. Elle sait pour que Stéphanie joue à Frissa quand même assez longtemps. C'est ça. Est-ce que tu l'aimes toujours autant? Oui, je le trouve très intéressant. Quelques petits trucs, par contre, au niveau de Page avec Virgin, je pensais que ça faisait plus de sauvegarde que ça. Okay. Pages, qui est le logiciel de traitement de texte. Oui, de Mac. Et Virgin, qui est le nouveau système de sauvegarde automatique des fichiers. Exactement. Ouais. Je croyais que ça allait être plus... c'est-à-dire qu'il allait avoir une sauvegarde, disons, pas nécessairement toutes les lettres, mais on aurait pu placer les sauvegardes automatiques beaucoup plus rapprochées. Mais là, quand même, il faut sauvegarder une première fois pour avoir des versions. Ouais. Et c'est à chaque fois que tu fais ta propre sauvegarde, qui va garder une version différente. Donc, c'est ce qui est un peu... J'imagine qu'on peut tweaker autour. Là. J'ai pas eu encore le temps de faire. Et tweaker veut dire, bien sûr, travailler autour de ça. Et macOS 10 Lion est le nouveau système d'exploitation sur les ordinateurs Apple. Oui, exactement. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas dans ce monde-là. Il y a beaucoup de monde, je pense. Oui. Mais malheureusement ou heureusement, tout dépendant de quel côté de la clôture que vous êtes. Mais j'aime bien Lion. Moi aussi. Les multiples bureaux. Il y a des applications qui n'ont pas été encore changées, comme Twitter. Ça fait au moins une semaine que ça aurait dû être fait. Parce qu'avant, tu avais la multitâche déjà d'intégrer. Maintenant, avec les nouvelles fonctions de Lion, tu peux pas avoir le multitâche dans ton Twitter. Donc, c'est un peu dommage. Je pense que ça va plus lentement, mais sinon, c'est correct. Ça va venir. Même Firefox, je veux dire, le logiciel que la plupart des gens utilisent pour fureter, n'a pas été mis à jour. Donc, encore, la scroll bar est encore l'ancienne. Mm-hmm. Oui, ben Chrome. C'est la nouvelle, mais qui s'enlève pas automatiquement. Comment? Et je sais pas si Google Chrome aussi a été. Parce que moi, j'ai une ancienne, une version ultérieure de Chrome que j'utilise très peu. Et bon, il n'y a pas de changement de fait de ce côté-là. Je ne sais pas s'ils en ont fait, par contre. Parce que je crois que c'est dans la bêta. Je crois que c'est dans la version, la branche développeur, je crois, de Chrome. Ah, ouais, mais un jour, ça va finir par se rendre à l'autre. Oui, ça risque. Ah, mais ça va être intéressant également. Ça sent bien. Ouais. Mm-hmm. Maintenant, écoute, anniversaire cette semaine. Si je te dis C2, barre sur le côté avec un petit cornet, qu'est-ce que ça veut dire? DOS? Oui, DOS! Et c'est la 30e anniversaire, en fait, de DOS, de Microsoft, qui est paru. Le Disk Operating System. Oui. Oui. Qui était, moi, j'ai commencé sur DOS sur un ordinateur. En fait, j'avais Windows installé, mais Windows n'était pas... Disons, c'était pas un standard à l'époque. Il fallait quand même que tu travailles avec DOS. Disons, tu avais un lecteur CD. Windows 3.1 ne prenait pas en charge les lecteurs CD. Fait que tu rentres la commande CD Open... C'était très intéressant, c'était le fun. Moi, j'aime ça. Ben oui, c'est le fun. Moi, je me rappelais jouer à des jeux dans DOS là, tellement souvent. Même quand j'avais Windows 3.1, que là, tu sais, ça commençait à être vraiment répandu. Oh, les jeux sur disquette étaient encore disponibles un peu partout. Exact. C'était vraiment bien. Ouais, c'était, en fait, lorsque tu arrivais dans Windows, tu avais aussi l'utilisation de ta souris qui était plaisante, puisque dans DOS, tu n'en avais pas. Non. C'était juste vraiment des lignes de commande. C'était très, très intéressant. Et bon, lorsque tu allais acheter ton ordinateur, bien souvent, en plus, il venait avec un genre de manuel. Soit tu avais le manuel DOS ou tu avais quelqu'un qui. Écrivait dans le fond pour toi qui sortait les commandes principales si tu as un CD, une disquette à partir, quelque chose du genre, si tu veux faire partir ton deuxième disque dur si tu en avais deux, parce qu'à l'époque, c'était des disques durs très très très petits. Oui, quelques megs. Oui, quelques megs de grosseur. Et donc, c'était très très intéressant. Bonne fête à DOS. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui s'ennuient de DOS, eh bien, vous pouvez aller. Il y a FreeDOS qui existe justement pour. C'est TechCrunch qui nous donne le lien. FreeDOS qui est en fait un système d'exploitation DOS gratuit qui peut s'installer. J'imagine que c'est surtout sur les PC. Je ne sais pas s'il y a une version d'ouvrir, une façon d'ouvrir en Mac. Mais ça peut être intéressant quand même. Je vais essayer d'aller faire un tour. S'il n'y a pas de version Mac, je vais aller chercher un vieux PC en quelque part et essayer ça. Faut trouver un écran orange et noir, surtout. Oui, aussi, ça serait intéressant. Mais tu vois, mon premier écran était couleur. Donc, Mon DOS, c'était noir et blanc. Ouais, le luxe. 1992. C'est chaloux. Ouais. Ben, c'est intéressant, mais bon, c'était pas encore les gros chars. C'est-à-dire que tu peux pas faire de dessin. Tu avais peint, mais tu peux pas imprimer ce que tu faisais. C'est des imprimantes encore noir et blanc. Mm-hmm. C'est des imprimantes, non pas à jet d'encre, mais qui cartonnaient, mais qui poinçonnaient avec des aiguilles. Comment t'appelles ça déjà? Je me rappelle même plus. Je pense que c'était pas des imprimantes à point. Non. Dot Matrix, non, ça c'était le Game Boy. Oui, c'est vrai, ça s'appelle. Oui, bon. C'était très intéressant. Le DOS à l'époque, il y a des jeunes qui connaissent même plus ça parce que maintenant sur les machines PC, DOS n'est plus installé par défaut. Mm. Il faut aller chercher des versions ultérieures ou FreeDOS justement pour aller travailler. Tout ce qui existe, c'est la petite base là, qui permet d'afficher le beau petit texte sur fond noir quand on ouvre un mail. Oui, exactement. Et si aussi vous êtes nostalgique d'écrire en noir et blanc sur votre ordinateur, en noir et vert, il y a un petit programme pour PC qui s'appelle Q10. Okay. Et c'est un programme qui... prend plein écran dans le fond, et on peut avoir un fond de n'importe quelle couleur que tu veux. Si tu veux écrire sur du mauve, sur du bleu, peu importe, et le choix aussi des couleurs des lettres, c'est très très très intéressant. J'ai pas trouvé l'équivalent pour Mac encore. J'en ai un pour toi, c'est Write Room. W-R-I-T-E, et puis la pièce Room. Eh bien, je vais prendre en note, mais c'est super intéressant, sérieux. Pour écrire un texte sans aucune distraction, exactement. Pas de Twitter qui pop. Là. Oui, c'est pas mal plus plaisant parce que bon, il y a cette option-là avec Page, le système de traitement de texte de Mac, mais c'est assez facile de revenir en arrière et tout. Et la version Q10, en fait, sur PC, en plus, ça va vous sortir ça en texte, tout simplement, en petit texte ordinaire, là, non pas en Word. En Notepad, là, en blanc. En Notepad, oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Et ça peut être un peu dommage parce que souvent, ça fait juste une ligne d'à peu près 10 000 mots, là, mais quand même, ça aide beaucoup à la concentration en classe, entre autres. Vous allez avoir l'air cool. Ah ben ça. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Oui. Ça va te poser beaucoup de questions. Et maintenant, ça va très mal chez Nintendo. Ah non! Oui. On dit que les chiffres de Nintendo sont en baisse depuis quelques mois, en fait, et c'est dû, entre autres, parce qu'il n'y a pas... Non. Au, ben oui, au 3D, parce que la 3DS est jugée chère par plusieurs personnes. Également, on dit que l'effet 3D est vraiment pas réaliste. C'est pas très, très... donc, c'est un stunt publicitaire plus que d'autres choses. Ah, faut s'habituer à ça. Ah là, maintenant, toi, t'es habitué, mais c'est toi qui m'avais dit que t'aimais pas vraiment le 3D au début. Ben, tu sais quoi, je vais dire la vérité totale. Il y a des gens qui ont mal à la tête. Moi, j'ai pas mal à la tête en jouant. Mm-hmm. C'est juste que j'ai de la misère avec la perception de la profondeur. Ouais. Il faut vraiment que je gosse tout le temps avec le bouton. Des fois, tu sais, il faut vraiment que t'aies l'angle parfait. Là. Si ouais. c'était pas du fait qu'aussitôt que tu penches un peu sur un côté ou l'autre, que tu perds l'effet, ça fait comme du noir dans l'écran. Mm-hmm. C'est ça qui est peut-être pas encore au point. Ouais, ben exactement. C'est un premier essai, en fait. Je pense que c'est le premier appareil avec un écran 3D à être lancé en grande pompe et partout dans le monde. Puisque, bon, on développe déjà des télévisions qui vont fonctionner comme ça, mais c'est le gros problème encore. C'est que si vous êtes 15 à écouter un match de hockey, disons, à la maison, eh bien, vous allez avoir peut-être 5 personnes sur ces 15-là qui vont voir leur 3D et les autres vont voir comme des barres noires et tout dans l'écran. Mais tu sais, on est au début de la technologie encore. Là. Ça a beaucoup d'améliorations dans le futur. Ouais. Et peut-être que Nintendo, ben c'est ça. S'ils veulent rentabiliser leur affaire, puis c'est pour les early adopters, là, j'imagine. Oui, mais d'ailleurs, elle pèse le prix, la 3DS. Tu veux dire qu'elle coûte pas si cher? Non, mais elle va baisser de prix. Le prix va baisser. En fait, on dit qu'elle va baisser à 170$ le 12 août. What? Ouais. What? Alors là, je suis vraiment fâché. T'avais acheté la tienne à quel prix? Ah, je me rappelle pas. J'avais changé mon ancienne comptelle à un rabais. C'est un peu moins cher. Ouais, c'est ça. Mais quand même, elle va baisser à 170. Ben, en fait, elle va baisser de 249$ à 169$. C'est 80$ qui est enlevé. C'est quand même intéressant. Et ça va venir aussi... Ça va pas venir avec. Tu le recevras pas, mais c'est que le jeu Kid Icarus, qui est attendu depuis quand même assez longtemps, qui avait été la démonstration en fait au E3 qui avait été faite l'an dernier, va être disponible, je sais pas si ça va être le 12 août, mais dans le mois d'août. Donc, c'est pour préparer les gens à aller s'acheter la 3DS. C'est quand même intéressant, c'est un incitatif. Si je serais un gamer, j'irais l'acheter probablement. C'est vraiment cool. Si j'étais un gamer, j'essaie de travailler mon... C'est dur, hein? Ouais. C'est incroyable. Je le ferais peut-être, ce serait intéressant. Et les gens aussi qui ont... ça pourrait être intéressant pour toi. Par contre, les gens qui ont la console vont recevoir des 10 jeux de Nintendo avec 10 jeux de Game Boy sur... en fait, ça va être le 1er septembre. Il faut que tu ailles sur le Nintendo eShop avant le 12 août pour pouvoir réclamer ça. Mais je vais toujours sur le eShop, il va falloir que j'y aille aujourd'hui. On va voir ça, c'est selon ta crunch par contre. Mais c'est eux qui disent ça, mais moi si je serais toi, si j'étais toi... J'y vais ce soir. Au travail. J'irais faire un tour pour voir si justement ça peut fonctionner. Ça c'est vraiment bien. Oui, surtout les vieux jeux de Game Boy. Moi je me suis acheté Super Mario Bros. Ordinaire sur la console virtuelle de la Wii. Oui. C'est intéressant. C'est ça. Tu retournes dans... En enfance. C'est moi, sur la 3DS, il y a aussi la console virtuelle. J'ai acheté Super Mario Land et Donkey Kong 94, la version super géniale de Donkey Kong. Là, il faut que tu joues Mario. Oui, comme des centaines de tableaux, ça finit jamais. Oui, je me rappelle d'avoir joué à ça, c'était intéressant. Il y avait Donkey Kong Junior aussi qui était intéressant. Ouais, mais c'est plus court. Mais c'est pas le même jeu. Mais c'est intéressant. Et d'avoir des jeux de Game Boy, ça, c'est un incitatif peut-être qui me ferait acheter le Game Boy. C'est comme 4 ou 5$ le jeu de Game Boy. C'est vraiment, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, oui. Effectivement, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais encore mon Game Boy original. Toute Matrix, là? Ouais, et j'ignore si, en fait, peut-être c'est dans une boîte chez ma mère, quelque chose. Oh. Si je le retrouve, c'est sûr que je le ressors et je le joue. J'avais pas beaucoup de jeux, mais je m'amuse beaucoup à jouer à Tetris, tout simplement. Donc. Est-ce que je t'ai dit que ma mère, à un moment donné dans le temps, elle avait vendu mon Nintendo sans me dire? Non! Mais oui. Ton Nintendo d'origine, classique? Ah oh, ouais! J'ai jamais accepté. Ah, c'est vraiment pas. Une chance qu'on l'a pas. Non, c'est pas correct. Mais il y a un nouveau système d'exploitation. Non, pas système d'exploitation, qu'est-ce que je dis là, mais une nouvelle console qui vient de sortir il y a quelques temps, en fait. C'est Classic Gaming ou Retro Gaming, quelque chose du genre. Tu peux jouer. Tu peux jouer au Nintendo et Super Nintendo sur la même console avec la même manette. Ça se vend, je pense, 50$. Et tous les jeux sont compatibles je dirais pas en HD, mais tu peux l'avoir sur une télé à écran plat et quand même, l'image est quand même assez bien. Absolument bien. Ouais. C'est disponible sur Internet. Faites des petites recherches sur Google, vous allez trouver. C'est assez quand même facile à trouver. C'est pas si cher que ça, donc ça vaut la peine, ouais. Parce que moi, mon Nintendo, en fait, a été donné lorsque j'étais jeune. En fait, lorsque j'ai eu mon Super Nintendo, mes parents ont donné mon Nintendo à quelqu'un d'autre. On a des choses en commun, toi et moi, c'est fou. Ouais, effectivement. Mais j'ai eu un coloc qui s'est racheté un Nintendo classique à l'époque, mais il est comme brisé en deux. Il faut souffler dedans pour pouvoir jouer un jeu. Il est vraiment forcé. En fait, c'est le truc de placer la cassette sur le coin. coin et de pousser en même temps que tu descends pour que le jeu fonctionne peut-être. Avec ça, j'ai une panoplie de jeux, mais là, je peux pas jouer parce que Nintendo est vraiment plus bon et il manque des fils. Ouais. Donc, je vais probablement acheter ça pour pouvoir jouer à Super Mario Bros. 3 et Willow. C'est Willow. Moi, j'ai Willow. Tu sors des jeux obscurs, toi, là. Ouais, pas très, très bon, en plus. Est-ce que c'est basé sur un film avec un nain? Ouais. Ouais. Avec une petite personne, comme dit Mathieu, franchement. Personne verticalement... Rapetissé. Tout ça pour dire que non, moi j'aime vraiment ton idée de Retro Gaming Control. Ouais, ouais, mais ben sinon, c'est... j'avais vu aussi des manettes de Nintendo, de Super Nintendo avec un fil USB au bout. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est genre, pour les émulateurs, c'est génial parce que bien souvent, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas nécessairement la bonne manette. Moi d'ailleurs, j'avais des jeux de Nintendo 64 sur mon ordinateur avant d'avoir ma Wii jouais avec une manette qui était l'équivalent de PlayStation. Et laisse-moi dire que jouer à Zelda avec une manette de PlayStation avec les commandes de la Wii, c'est pas super. Mais en même temps, quand tu joues sur la console virtuelle avec la manette classique Control, là, c'est pas bien ben mieux parce que ton C, les trois petits boutons C, c'est ton deuxième joystick et c'est pas tout le temps pratique. Ocarina of Time est très très bien par contre. Ah oui? Sur la console virtuelle, j'adore. Ok, ouais. t'as pas de 3DS, t'aurais pu t'acheter. Ouais, si j'avais eu une 3DS, j'aurais pu me l'acheter, mais j'ai pas de 3DS parce que je veux pas jouer trop non plus. Ah, tu vois, elle reste sur le coin de mon bureau puis quand je la veux, elle est là. Mais je joue pas souvent. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai un trouble d'attention, donc il faut pas trop qu'il y ait de trucs chouettes devant moi. Parle-moi pas de ça. Je suis rendu avec une PS3, une Wii, une 3DS puis une PSP. Si je sais plus vous donner de la tête. Si j'avais ça, je serais toujours chez moi. Sinon, on peut passer à d'autres choses. En fait, on va parler de Google deux secondes. Est-ce que tu as eu ton compte Google Plus? Oui, j'ai été invité par notre ami Danny Janvier. Hein? Hey, ça veut dire que je peux t'inviter? Hey, si tu peux m'inviter, ce serait vraiment génial. Quand je pensais vraiment. C'est vraiment génial parce que ça fait comme beaucoup de monde, en fait. J'avais écrit mon courriel. J'avais envoyé mon courriel à Google en disant, s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles à propos de ça. Et ça fait au moins un mois et demi. Toujours pas de nouvelles. Toujours déçu. Parce que tout le monde, il y a de plus en plus. Toi, ton courriel compliqué, là, je suis pas capable de le trouver. Je l'ai. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur Google+, mais qui vont en parler sur d'autres réseaux, genre Twitter. Google+, tellement génial. Ben, c'est ça que ça. Et c'est et franchement, il y a beaucoup de gens, et j'ai lu un article récemment, j'ai pas avec moi devant moi, mais on dit que Google Plus pourrait, si ça continue à être aussi populaire et exclusif, pourrait éventuellement remplacer Facebook. Mais ça se peut. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, avant il y avait MySpace, le monde disait je vais toujours aller sur MySpace. Exact. Ouais. Mais Facebook, en fait, je crois pas qu'on pourrait remplacer ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'an prochain, Facebook va être encore là avec beaucoup de membres. Ça va être graduellement. Oui, exactement. Et le problème qu'on aura du côté de Facebook, c'est que lorsqu'on ferme, on ferme pas notre compte chez Facebook, à moins d'aller faire un chemin d'à peu près 20 liens. 20 la danse de la pluie. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et les gens ferment pas leur compte. S'ils le ferment, il est temporairement en hibernation. Et comme ça, ils continuent toujours à garder leurs membres. Il n'y a pas personne qui part de Facebook, même s'ils vont plus. Donc, ce qui va être compliqué, c'est que tu vas avoir des membres actifs sur Google+, des membres inactifs sur Facebook, mais les deux vont dire « Ah, on a beaucoup de membres. Ouais. » Donc, c'est un peu plus compliqué pour récolter de l'argent pour les sites d'investissement. C'est-à-dire que si tu veux soit le mettre en bourse, parce que Facebook pourrait être coté en bourse et il pourrait avoir des investisseurs également, ça devient un peu plus compliqué, et même que ça devient aussi comme falsifier, dans le fond, tes papiers, tes résultats financiers, si jamais un utilisateur compte pour de l'argent ou etc., etc. Et j'ai un nouveau courriel. Ah oui, c'est moi ça. Non, c'est pas encore reçu, malheureusement. Mais ça va se faire très bientôt, j'en suis sûr. Est-ce que tu vas l'essayer quand tu vas l'avoir? Oui. Parce que moi, j'ai reçu l'invitation de Danny en début de semaine. J'ai été me connecter, mais j'ai pas encore utilisé tant de services que ça. Parce qu'il se passe pas tellement grand-chose. Non, c'est ça, c'est ça. Puis ça a pas encore été. C'est-à-dire que c'est encore très, très exclusif. Donc, c'est sûr qu'il y a pas grand monde, mais. Tranquillement, pas vite, ça va se faire. Et le premier ami après toi, Mathieu, que je vais avoir, c'est Mark Zuckerberg. Ah ben, c'est ça. Le fondateur de Facebook. Ben oui, comme tout le monde. On l'aime. Non, mais c'est un gars sympathique. c'est un gars que je considère sympathique, Mark Zuckerberg, franchement. Oui. Même si. Tu des animaux, puis. Ouais, tu des. Ouais, ça, c'est un moins, par contre, pour lui. C'est... Google Plus, un moins. Google Plus! De l'humour à la Mathieu Plante. Merci. Mais non, Mark Zuckerberg, on disait qu'il a pris comme résolution en 2011 de tuer lui-même ses propres animaux qu'il va manger et ensuite les faire traiter par un chef super de riche qui va lui renvoyer ça par la poste, puis il mange seulement de la viande qu'il a tuée. Seulement ce que tu fais. C'est seulement les riches qui peuvent se permettre ce genre de luxureux. Luxure? Luxure, c'est pas plus. Je sais pas. Du luxe. Du luxe, ouais, c'est du gros luxe. Oh, bien, du luxe, qu'est-ce que c'est? Oui. Poche. Moyen. Ouais, mettons. Google, encore. Google qui va numériser les livres épuisés de Hachette. Ils se sont entendus avec Hachette, je crois que c'est au début de l'année, pour numériser et permettre la diffusion de leur nouveau livre. Et là, ils vont aller chercher tout ce qui a été épuisé dans la discothèque, la bibliothèque de Hachette et rendre ça disponible. Ouais. Et comme on connaît Google, eh bien, ça risque d'être disponible gratuitement ou presque gratuitement. Oui, parce que personne dirait à ça. Qu'est-ce qu'il dirait à ça qu'il dirait pas? Il dirait pas j'achète, il fait ça gratuit. Ouais. J'achète. Ah, merci. Hey, je suis pas vu. J'étais en vacances. Hein, c'est pour ça. Ouais. Donc, ça va être quand même intéressant. C'est un accord qui fait suite à un protocole signé en novembre dernier. Donc, c'est novembre de l'année passée, j'ai dit en début d'année. En fait. C'est des milliers d'œuvres, en fait, régies par les droits d'auteur français qui sont plus commercialement disponibles. C'est la grande majorité des œuvres en fait publié à ce jour sur Google. Et ces œuvres épuisées représentent environ 70% des fonds Hachette. C'est quand même assez gros. On dit à peu près 40 000 à 50 000 œuvres, essentiellement de la littérature générale, ouvrages de référence, notamment ceux de Larousse. Ça, c'est intéressant. Des livres universitaires. Ah, génial. Ben oui. Ça va coûter moins cher. En tout cas, on l'espère. Si c'est vendu, il n'y a pas de raison de vendre ça 50$, là, franchement, non. Parce que c'est électronique. Ce que j'apprécie de l'idée, c'est que, ben, moi, j'allais dire que ça avait une fin. Mais t'sais, en même temps, c'est moins gros que numériser. C'était quoi leur ancien projet qu'ils ont abandonné? Là? Les journaux. Numériser les livres anciens. Ouais, les journaux, ils ont abandonné ça. Ils avaient racheté plusieurs copies papier, mais également des numérisations de journaux qui avaient été faits pour pouvoir faire un genre de. En fait, ce qui était dommage, c'était qu'il n'y avait plus un site internet dédié aux anciens journaux, c'est que c'était un peu partout. C'est écrit une nouvelle, il est arrivé en 1920. Mais tu vois, la copie du journal de 1920 qui va apparaître sur Google. Ça a été abandonné, ce qui est très dommage pour les chercheurs, mais en même temps, de la façon que c'était fait, on n'était pas. Du côté du domaine des chercheurs en histoire, surtout, on n'était pas très, très ravis par ça parce que c'était trop compliqué pour trouver notre petit truc. On va aller plutôt à la Bibliothèque nationale, des trucs comme ça, qui gardent des copies des journaux de toute façon. Donc, peut-être que la barre était trop haute, il avait trop vu grand, alors que là, il voit un petit peu plus petit avec ce projet. Exactement. Il y a aussi le projet de numériser. Et ça, je sais pas si ça avance ou si ça stagne. Mais en fait, c'était de numériser des livres anciens, entre autres à la Bibliothèque du Vatican également. Je pense qu'il y en avait aussi en France. Là, des livres qui ne sont plus disponibles mais qui sont gratuits, ben, qui sont libres de droits d'auteur. Ça a été publié au 16e siècle au départ. Ça aussi, ça va être très intéressant si ça se fait. Maintenant, est-ce qu'on passe à Apple très rapidement? Oui, vas-y. On n'a pas grand-chose à dire sur Apple, en fait, parce que tout est arrivé la semaine dernière. Le lion est sorti de sa cage, comme dit le cliché. Le lion est sorti de sa cage, hein? Et oui. C'est incroyable. iOS est sorti de son... De sa bêta, d'être en bêta, finalement. La version d'iOS. Et pas sorti en même temps que l'iPhone. iOS 5 pour l'iPhone et l'iPad, je crois pas. Non, c'est vrai, ça va juste sortir cet automne. Oui, je me suis mélangé. Avec le iCloud et tout. Avec iCloud, effectivement. Eh bien, c'est le studio français Circus, spécialisé dans les effets visuels et numériques pour le cinéma et la télévision, qui poursuit Apple en justice pour l'utilisation du nom Lion. Ah bon. Et oui, pour son nouveau système d'exploitation, Circus affirme les droits donc de Lion en France. Ben oui. C'est vraiment génial. C'est sûr. En fait, ce qu'il dit, c'est que Circus s'est vu contraint d'assigner à la société Apple devant la juridiction référée dans la troisième chambre du tribunal de la grande instance de Paris à raison de cette contrefaçon, donc qui est cet usage abusif de la marque française Lion. C'est la société donc, qui a dit ça et ça va être débattu le 22 septembre prochain, donc devant les tribunaux. Et c'est complètement stupide. Ridicule! Ouais. Ça passera pas, ça. Ben, non, mais c'est ça, c'est pas un brevet, c'est un droit payé sur un nom, mais en France, c'est-à-dire il pourrait théoriquement changer le nom du système d'exploitation pour la France, mais là... Lion avec un Y. Dans le genre. Peut-être avec les nouvelles règles du français, là, peut-être L-I-L-L-I-O-N. Ouais, ben tu sais que de toute façon, pour ce qui est du cinéma, pour ce qui est parfois même des albums de musique, c'est pas nécessairement les mêmes noms, les mêmes versions, tout dépendant de où c'est que c'est envoyé. Comme Harry Potter, le premier film, c'était Harry Potter et la pierre philosophale, que ça devait s'appeler. Finalement, c'est appelé Harry Potter à l'école des sorciers. Ouais, c'est ça. Même en anglais, c'était Philosopher's Stone et dans d'autres pays, Sorcerer's Stone. C'est, mais c'est ça, ça a été changé de place en place. Ouais. Je sais pas si c'est à cause de droits d'auteur, tout simplement. Mais ça se ferait, donc, pour ça. Sûr. Malheureusement, il est déjà sorti. Ça, c'est le problème. Mais il est pas sorti physiquement, donc ça leur dérange pas, tu sais, dans le sens qu'il y a pas de, ils ont pas fait imprimer plein ouais. de papiers. Ben, ils ont ouais, fait des affiches. Ça. Ouais, il y a eu des affiches ouais. et tout, mais il y aurait moyen de le faire avant qu'il y ait une sortie physique. Parce ouais. que la sortie en ligne est déjà faite, mais la compagnie Circus aurait pu faire la plainte avant. Ben oui, mais oui, on mais en oui. a pas. Alors, du moins, ils l'ont peut-être fait, on en a pas entendu parler. Il y a peut-être un retard. Mais peut-être qu'ils l'ont fait maintenant pour que, vu que Mac a déjà fait imprimer toutes ses affaires, veulent garder leur nom, leur marque de commerce. Ouais, donc, ils vont régler ça hors cours avec ouais. des milliards de dollars. Ça, c'est, tu sais, comment on appelle ça en anglais? La crosse? Non, ça non? s'appelle du patent trolling. Ah, d'accord. C'est j'ai écouté un reportage très très intéressant là-dessus, surtout dans le monde de l'informatique, dans le monde des nouvelles technologies, c'est très très très répandu. En fait, c'est les compagnies qui achètent des brevets pour des nouvelles patentes technologiques. Bon, des brevets en anglais, c'est des patents, donc des nouvelles patentes technologiques. Ils achètent ça à coût de milliers de dollars et une fois que un produit d'une grande compagnie sort avec quelque chose qui a été breveté sans le savoir, ils vont poursuivre cette compagnie-là. Il y a entre autres un ancien co-dirigeant de Microsoft qui a ouvert une compagnie pour justement acheter des brevets et ils disent surtout qu'ils font de la recherche scientifique, mais en fait ils ont quelque chose comme 30 000 brevets et lorsqu'une grosse compagnie comme c'est arrivé dans le cas d'Apple, Microsoft, Google sort un nouveau produit qui a déjà été breveté, eh bien, ils font une poursuite et ils veulent pas dans le fond que la compagnie abandonne leur nouveau produit. Ils veulent juste avoir beaucoup beaucoup beaucoup d'argent pour que la compagnie puisse s'en servir. Mais on a d'autres problèmes à ce niveau-là parce que il y a un gars, entre autres, il y a un gars en 1998 qui a créé la façon dans le fond d'updater ses programmes directement dans l'internet. C'est-à-dire que tu reçois ta petite fenêtre, est-ce que tu veux updater? Il a eu un brevet pour ça en 1998 avant que ça existe. Mais pendant qu'il était en instance de brevet, il y a 16 autres brevets qui ont été faits pour le même truc. Ah. Donc, au niveau de la technologie, c'est un gros fiasco. Là, c'est sûr que pour Lion, on parle juste d'un nom, d'une marque de commerce. Mais pour ce qui est des brevets, c'est sur la technologie, il faudrait pratiquement que ça soit abandonné. Et entre autres, on dit que, tu sais, il y avait eu Research and Motion, qu'est-ce que je dis là? Mais Nortel, qui avait vendu pour 3 millions de brevets, quelque chose de genre, là, qui avait accumulé dans leur coffre, dans le fond d'invention, qui avait pas utilisé. Il y avait beaucoup de trucs qui existent déjà, qui ont été rendus publics par les compagnies. Et Apple, Microsoft et d'autres petites compagnies ont racheté tout ce bundle-là, dans le fond, juste pour se protéger de pas être poursuivi par d'autres personnes qui ont des brevets semblables. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Oui. Mais ça a du sens. Oui, ça a du sens. Ouais. C'est une façon de faire de l'argent sur le dos des autres. Oui, c'est ça. Deux petites nouvelles et on termine. Ah oui. Est-ce qu'on prend une petite pause et on revient après? Est-ce on que peut t'as faire le temps? Ça? Ben oui. D'accord. Bon, on prend une petite pause et on revient. Yes. Voilà. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. J'ai toujours la vie de croisière d'assemblage requis. Simon, avant de continuer, oui. T'as encore le temps pour une petite chanson? Ben oui. Parce qu'on parlait tantôt d'argent, puis Gatineau, t'as de dépenses payées, genre. Oh, nice. T'as de dépenses payées, dépenses. Mettez-vous. Wiki. Wikipédia. Sébastien Carata, j'avais dit mes parents. J'étais un homme, mais c'est apparent. Carata, oui, j'étais encore chez mes parents. En dehors de la maison familiale, c'est pas un max. Au chalet, pour pentance, résidence, secondaire, j'en passe. J'ai chanté tous les soirs, puis tous les fins de semaine. C'est comme un forfait de seul, mais pour une BM. J'dépense l'argent, mais c'est autres qui en parlent. Ça tout l'air de mettre les stages, si tu regardes. J'm'alimente à la mamelle de mon bidage. J'suis comme un fonctionnaire pour un contribuable. Depuis que j'suis petit, j'suis un jupon. Depuis que j'suis petit, j'suis un cocon. Depuis que j'suis petit, la ouate, le coton. C'est pas mal avec un geste de coupe et cordon. Pour c'est la culotte courte, au pantalon. La cour d'école, au grand salon. Mais toujours aussi dépendant de mon propre avis. C'est pas juste une impression. Faudrait que je vole de mes propres ailes. Non mais c'est quoi ça? Subitement toutes ces ailes. C'est rendu qu'ils veulent plus. Un passé le char. Je parle de plus en plus. plus de mettre dehors wall pour plus tard qu'il y a. On connaît là ce qu'on a, mais c'est quoi le problème? Ils veulent maman, son âne, t'as mis le traité au petit soin. C'est rendu qui parle en fonçant le besoin. Quand je le fais une faveur, moi dans le fond de rester. Non, mais c'est quoi le problème? Ils veulent me tester depuis que je suis petit sous un jupon. Depuis que je suis petit dans un cocon. Depuis que je suis petit, la ouate, le coton. C'est pas mais la veille juste de couper cordon. Pour celle culotte courte au pantalon. La cour d'école au grand salon. Et toujours aussi dépendant de son papa. Chaque issue de secours, les sorties, mis mon soude de guide, caporal, l'ortigé, militairement, tout un arsenal. Je protège promptement le patrimoine familial de personne pour me déloger d'ici. Même l'hélicoptère qui me check de par la vite, y'a personne pour réussir à me sortir. S'ils viennent, je me fais sauter au bain dont je sais. C'est pas un penthouse, c'est une forteresse. Devant la place, un barrage se dresse. Des tranchées, des mines, des câbles, bito des doux. Risque d'attraper l'iBack, mais qui me trouve? Il faut que je reste sous un jupon. Il faut que je reste dans un cocon. Il faut que je reste dans what? Le coton. C'est pas de mêle avec un juste de couper cordon. Ça risque de prendre un bout, une coupe d'échelon. Avant que je décolle, ça risque d'être long. Je suis toujours aussi dépendant. Gatineau avec toutes dépenses payées dans la vie de croisière de l'assemblage requis. Et parlant de choses à payer, les gadgets, ça coûte cher. Oui. Donc, on revient à la chronique Le Scoot des internets. Scoot des internets. Je pense même plus à ma transition. C'est pour ça que c'est mauvais maintenant. Donc, Simon Fitzbé qui est toujours avec moi pour sa chronique Le Scoot des internets. On parlait hors onde de iPod classique, iPod Nano, différents iPod modèles. Touch, iPhone, même. On peut rentrer l'iPhone là-dedans. Dans le ben, c'est un iPod avec un téléphone, ça? Oui, exactement. Ben, techniquement, c'était un iPod avec un téléphone, mais maintenant, c'est plus rendu un téléphone avec des écouteurs. Ouais. Enfin, ça, c'est ma perception que j'en ai parce que c'est quand même petit comme espace. Ouais, ben, moi, d'ailleurs, je comprends pas. Je connais du monde qui se débarrasse de leur portable pour avoir seulement un iPhone. Comme, non, je peux pas lire un article de 3 pages sur un iPhone. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, ça me fait rire parce que je suis allé au lac au sable en fin de semaine, d'où ma copine est originaire d'eux. On la salue, ouais. Peut-être qu'elle nous écoute. Des fois, elle nous écoute. Ah, ouais. Mais on est allé là et là-bas. On n'a pas Internet, dans le fond, parce que, bon, les parents, ma blonde, n'ont pas Internet. Donc, c'est leur droit. Ils sont très bien avec ça. Pas d'ordinateur, rien. Donc, tant mieux. Mais là, mon beau-frère est là pour l'été. C'est un enseignant, donc, il est en repos tout l'été. Et il s'est acheté un iPhone. Et lorsqu'il a besoin d'aller sur Internet avec son 3G, il faut qu'il se tienne dans la porte patio pour aller sur Internet pour avoir 2 barres. Parce que sinon, il y a pas de barre. Il y en a juste une et il n'arrive pas à aller sur Internet. Pauvre lui. Ouais. Tranche de vie, ça ne m'a pas convaincu à m'acheter un iPhone pour le moment. Non, pour l'instant, t'es encore avec un téléphone. T'as surtout un cellulaire? Oui, j'ai un cellulaire qui se plie en deux. Là. C'est nouveau. Samsung, ben, ça fait quelques mois. Un an, oui. C'est un téléphone qui était c'est une seconde main. Ça fait la job. Hein? Ouais, ça fait des appels. Ça fait des appels et ça reçoit des messages textes. C'est un peu plus long de texter. Je peux pas aller sur Twitter, mais. Non. C'est pas plus grave que ça, ça fait la job. Mais bon, pour revenir au iPod, ce qu'on disait tantôt, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez d'espace dans le fond pour. Moi, j'ai un 8G, un iPhone 8G d'il y a peut-être 2 ans et demi, le 3, finalement, ouais. pas le 3GS, le 3G. Puis avec mes applications, je peux mettre la discographie de OK Go et c'est tout. À cause des applications, est-ce que tu as des vidéos aussi sur ton téléphone? Non, je n'ai pas de vidéos, c'est juste applications. Ça va vite avec les applications. Ouais. J'en ai effacé une dizaine tantôt, puis ça n'a pas bougé la barre d'un c'est surtout les applications que tu utilises utilisent le plus qui vont être plus, qui ont, plus grosses. Qui ont des settings dedans de qui retirent des affaires. Ouais, ouais, ouais, exactement. Et c'est ce qui est dommage. Et j'imagine par contre qu'avec les nouveaux iOS qui sortent à chaque fois, peut-être qu'il prend un peu moins de place de ouais. fois en fois. Un peu comme macOS, ouais. il perd du poids avec ouais, les exactement. Années. Mais un iPhone 8 GB, ça reste très, très, très petit pour de la musique. Même chose pour un iPod Touch. Parce qu'un ouais. iPod Touch peut avoir les mêmes fonctionnalités. 32, 64 ouais. GB. Ouais, exactement. Et on peut avoir des applications aussi sur son iPod Touch. Je suis encore... en fait, j'ai eu la chance d'acheter un iPod Touch de seconde main l'autre fois et j'ai décidé de le laisser tomber parce que j'avais l'impression que j'aurais pas assez de place pour ma musique. Ouais. Je suis habitué. Moi, j'ai un beau petit classique de génération 5. C'est un 80 gigs. 80 gigs. C'est déjà même, je trouve pas si gros que ça, tu sais, comparé non, c'est à. C'est plus gros, mais je l'ai acheté il y a 5 ans. Ah, et, ben, il est encore beau. 4 ans. Non, moins en moins. Ben, c'est d'où les tuyaux. C'est la protection, ouais. mais il fonctionne encore bien, mais 80 gigs, il y a 5 ans, c'était beaucoup, c'était énorme. Mon disque dur d'ordinateur, il était plus petit que ça, ouais. tu sais. Maintenant, non, c'est vraiment pas ça. T'achètes un portable, ça a 1 teraoctet d'espace de disque dur. Donc, ouais. un peu passé date. Et la dernière mise à jour qu'il y a eu, c'est il y a 2 ou 3 ans même. Ça fait très longtemps. Ouais. Ouais. Et donc, on est rendu à 160 gigaoctets. Ce serait temps peut-être de passer. Oui, toi, tu penses que ça pourrait monter jusqu'au teraoctet? Ben non. Non, je pense pas qu'Apple va monter jusque-là pour l'instant, mais je trouve que ce serait une étape logique parce que je veux dire, c'est sur, ben, peut-être pas un tera, peut-être mettons un 500, 750, ouais. je sais pas. Parce que je sais qu'il y a une différence entre les épaisseurs à passer un teraoctet, sont comme plus épais. Ah, ça serait possible, mais quand même, sont assez. Moi, je trouve ça assez mince. Si on compare ça au premier iPod qui est sorti il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Oui. 2001, en fait, ça fait à peu près 10 ans cette année. Et d'ailleurs, peut-être pour ça qu'ils vont sortir une nouvelle version. Mais j'en ai vu un. C'était un 6 gigs. C'était comme le plus gros modèle avec un écran gris qui écrivait seulement ce qu'il jouait. Et ouais. t'avais pas aucune image, rien. Celui-là, au moins, il est couleur. Hein, c'est ce qui est intéressant. Mais c'était tellement gros comparé à ça que c'est risible. Là. C'est vraiment... C'est très, très laid. D'ailleurs... vous pouvez aller voir, il y a plein de sites internet en fait qui font l'histoire des à la fois des produits à Apple parce que bon le culte du Mac est assez intéressant ouais. mais il y a aussi le culte du iPod qu'on oublie souvent, il y a des gens qui font des sites internet dédiés à ça et aussi il y a des gens qui vont s'acheter toutes les dernières versions de chaque truc qui va sortir et tout. Ah, je me sens pas visé du tout. Mais moi celui que je déteste dans la gamme des iPods parce qu'il y en a qui sont moins bons, c'est les shuffles, pas d'écran. Ah non, mais ça vaut même pas la peine d'exister. Pour non, c'est ça. Surtout, acheté ça. Tu sais, ça se faisait. Moi, j'ai eu des lecteurs MP3 qui étaient gros comme une clé USB à l'époque, mais il y avait bon 500 MB dessus et t'avais pas d'écran. Ça peut aller. Ouais. Avec 500 MB, tu peux mettre une couple d'albums, tu sais où c'est que tu t'en vas. Mais disons, avec 2 GB, ça commence à être gros. Il y a aussi l'option, c'est que tu peux avoir une voix qui finit oui. qu'est-ce qui est de la musique. Ça, je suis pas nécessairement d'accord avec c'est ça. Un écran, ça vient. Aussi, le nano. Avec le petit écran carré. Le nano touch, ouais, c'est joli, mais en même temps, pourquoi tactile? Ouais, je sais pas si c'est en pratique qu'il y a ça. Non. Mais bref. Sur le site de MacRumors, dans leur guide d'achat, la section mm-hmm. Buyer's Guide, ce qu'ils disent sur l'iPod classique en ce moment, c'est n'achetez pas update soon. Ah, donc, je sais voilà. pas si les rumeurs veulent vraiment qu'il va y avoir un nouveau iPod classique. La dernière sortie était le 9 septembre 2009, donc ça fait 687 jours. Et en moyenne, à travers l'histoire d'Apple, il y avait 248 jours entre ouais. différents. Ouais, on n'attendait même pas un an pour ce qui est d'un iPod. Mais. D'après moi, c'est justement ça ce qu'on veut vraiment arriver en gros et ouais. ça risque d'être le 10e anniversaire, à moins que je me trompe, c'est du iPod. Ça. Donc, j'espère que ça va être intéressant et que le prix, comme on disait, le prix est quand même assez élevé. Là, pour un 160 gigs, c'est 250 $. Mais ce qu'on n'a pas d'écran tactile, on n'a pas la possibilité pas d'aller sur Internet, on n'a pas d'application. Donc, c'est cher payé. Dans le fond, un iPod Touch de 8 gigs va coûter la même chose, mais on peut aller sur Internet, on peut aller écouter les vidéos, on peut aller voir ses courriels, ouais, on peut même ça. Faire des téléphones avec Skype. Donc, on vient vraiment de changer complètement de gamme. T'as juste musique. C'est pas pour le même public du tout. C'est pour le public qui a presque pas de musique. Hein. Exactement. Et déjà, ben, c'est drôle, mais c'est pas un lecteur de musique, tout simplement. Non, c'est ça. Ça se donne à faire ça. C'est comme ma 3DS aussi, elle joue des MP3, ouais. mais je dis pas que c'est un lecteur MP3. Exactement. Moi, j'ai un de mes petits cousins, là, il a un PSP, il écoute sa musique là-dessus et c'est son lecteur de musique, mais en même temps, moi, je sais pas à combien je suis rendu, là. J'ai vidé mon iPod récemment et là, j'essaie de voir combien de morceaux je suis rendu. 3774 morceaux. Et j'ai à peu près la moitié de rempli, c'est-à-dire qu'il me reste 38,1 gigaoctets d'espace. Parce que j'ai vidé, parce qu'avant, il était arrivé, j'avais 0,002 gigaoctets d'espace, c'est-à-dire à peu près 2 megs. Ouch. Et il allait pas bien. J'ai regardé ça, le iPod classique, le moins cher, 279 $. Ouais, exact. Quand même. Ça revient très, très cher. C'est un investissement, mais je peux dire par expérience, parce que ça fait des années que j'ai le mien, je l'ai échappé, j'ai barouetté. Il est plus beau, là, le truc en métal en arrière est vraiment plus beau, mais... c'est très, très robuste et ça fonctionne très, très, très, très bien. Même si c'est un disque dur avec une petite aiguille dessus, là, faut, ouais, faut comprendre c'est que c'est les anciens modèles de disque dur, c'est exactement, pas du SSD. Exactement, c'est pas du SSD, c'est pas flash du tout. Fonctionne très bien. Les seuls trucs, c'est que je trouve qu'on a pas assez de puissance au niveau de la musique. On peut pas changer. On peut pas monter le volume très, très fort. Et on peut pas aussi, c'est-à-dire avoir les égalisateurs, là. Ouais, ça, les settings, genre jazz. Ouais, ça, c'est les settings des presets, ouais. On dit en anglais. C'est le fun d'avoir la liberté d'arranger ça comme on veut. Mais peut-être justement le prochain modèle. Tu sais, après avoir attendu 600 quelques jours, là, vraiment, comme tu disais, ils vont mettre le paquet, j'espère. Avec l'iPhone, d'après moi, cet automne, ouais, on va avoir. Pas mal sûr. J'ai hâte. Ouais, et je garde mon argent pour ça, je vais m'en acheter un. Bref. Est-ce que tu restes encore un petit peu avec nous? Oui. On a écouté une pièce de Malajub sur le palmarès en ce moment, c'est Sans Suit. Et après ça, j'ai envie de te parler de 15 choses que tu savais peut-être pas sur Steve Jobs. Ah, c'est bon. On revient tout de suite à la vie de croisière d'Assemblage Rocky. Looking with the recovery forces to see what can be done at this point. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis sur les ondes de Cifou 89.1 FM et on est toujours avec Simon Fitzbé, donc c'est toujours le Scud des Internets. Oh oui. Scud des Internets. Scud des Internets. C'est le fun les intros que Danny a fait parce qu'elles sont vite. Ouais. Les miennes prennent comme 20 secondes avant de finir. Donc Simon qui est toujours avec nous pour parler de technologie. Et là, j'avais dit que je te renverrais la balle avec des faits que tu savais peut-être pas sur Steve Jobs. J'imagine que tu connais la plupart de ces faits-là. Je sais qu'il est très méchant. Ah, oh, méchant! Ouais. On va voir. Donc, commençons par le timeline. C'est le premier fait. Timeline. Il a lâché le collège en 1973. Mm-hmm. A joint Atari en 1974. Ouais. A fondé Apple en 76. Mm-hmm. En fait, avant ça, il est allé en Inde pour se chercher lui-même en 74. Ça, je savais pas. Ah oui, ça, je savais pas. Il a quitté Apple en 85. Il a fondé Next en 85 aussi. Il a acheté Pixar en 86. A revendu Pixar en 2006. Et entre-temps, il est retourné chez Apple en 85. Et il a vendu Pixar pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Manet. Et Next aussi. C'est drôle parce qu'on dit souvent que c'est un homme d'affaires qui est pas très très c'est-à-dire il avait pas de flair avec Apple, mm-hmm. mais pourtant il a tellement fait d'argent avec ses autres projets que je pense que. Et c'est tout, c'est déjà. Non, attends un peu, là. One minute. Numéro 2. Ah, c'est. Ça, c'était le premier fait, là. Ok, attends, c'est bon. Numéro 2. Il est dyslexique. Ah oui? Est-ce que ça... Non, c'est pas ça. D'autres non. gens qui sont dyslexiques, il y a des gens célèbres. Alexander Graham Bell, Albert Einstein et Henry Ford. Mm-hmm. Ah! Ma sœur aussi est dyslexique. Ah, ben félicitations. Et pas une vedette. Pas une vedette. Comment la salue? C'est quoi son nom de... Kim. Kim! Oui. Kim B. Numéro 3, ben, je saute des syllabes. C'est comme ça que je fais dans la vie. Kim B, c'est un surnom. Ça. Comme ça, c'est Simbé. Numéro 3, dans les faits, les 15 faits que vous savez peut-être pas sur Steve Jobs, il était fauteur de troubles. Oui, il a passé la troisième année à faire la terreur partout. Il s'appelle lui-même Little Terror. Il a laissé des serpents s'échapper dans la classe et a fait exploser des bombes. Oh, des bombes. Des petites bombes. Des cherry bombs. Bombes, ouais. Numéro 4, il est l'employé numéro 0 chez Apple. Et là, on va parler, vous savez, mon appréciation infinie envers les conseils d'administration. Donc, Apple était sur... le premier conseil d'administration d'Apple voulait que tous les employés portent des badges avec des noms sur leur... Prenez des notes. Une étiquette avec son nom sur son chandail. Donc, les badges devaient montrer le nom et le numéro de l'employé en ordre de quand est-ce qu'ils ont été engagés. D'accord? Ah ouais. Donc, Steve Wozniak, qui est l'ingénieur du Apple II et cofondateur d'Apple, a reçu le numéro 1. Et ensuite, Jobs s'est fait donner le numéro 2. Mais Steve Jobs, il n'était pas content. Ben non, parce donc, que il se voit comme le grand visionnaire derrière ça. Tout à fait, donc il a protesté, il a chialé jusqu'à temps qu'il ait le numéro 0 parce que le 0 vient avant le 1. Ouais, mais en même temps, je peux comprendre parce que tu vois, Steve Jobs a eu l'idée de rendre les ordinateurs que Steve Wozniak faisait, ou en tout cas avait les plans de, les rendre disponibles et les vendre. C'est pas quelque chose que Wozniak aurait fait et qu'il aurait en fait voulu. C'est pour ça aussi qu'il a quitté Apple, ouais. Parce que ça l'intéressait pas tant que ça, l'entreprise et tout. Donc je peux comprendre pourquoi il voulait être premier. Ouais. Il aimait mieux danser, Wozniak. Oui, ouais, c'est vrai, il participait. Ouais. Ouais. Il y avait des problèmes 5. Avec sa Toyota aussi. Hein. Ah, c'est vrai, il est vendeur de char. Non, mais... Non? Il y avait une Toyota et tu sais dans le scandale des freins qui fonctionnaient pas là, oui. Ça lui est arrivé à lui aussi. Ah, je savais pas. Ouais. Je savais qu'il faisait des pubs pour des concessionnaires de voitures aux États-Unis. Incroyable. C'est très drôle, très drôle. Numéro 5 dans les 15 faits sur Steve Jobs, il a découvert les ordinateurs à l'âge de 12 ans. Un peu comme nous tous finalement, mais beaucoup plus tôt dans le temps. Donc c'était peut-être un petit peu moins répandu les gens qui avaient un ordinateur à l'âge de 12 ans. Mmh. Donc, Larry Lang, un ingénieur chez Hewlett-Packard, a montré à Jobs son premier ordinateur à l'âge de 12 ans et immédiatement, il en voulait un. Il dit, et je cite, « Je trouvais juste ça cool. J'en voulais un pour jouer avec. » Eh ben. Numéro 6, il aime la calligraphie. Ah, tu vois, ça, c'est une autre chose qu'on a en commun, j'aime bien. Après avoir lâché ses cours à l'université Reed, il s'est assis dans un cours de calligraphie et est devenu fasciné par les polices de caractère et par l'écriture au crayon. Il attribue les polices d'origine du premier Macintosh, que Windows a ensuite copié, là, à ce cours-là exactement. C'est ce cours-là qui a amené les polices dans le Mac. Ah ouais? Les belles polices des premiers Macs. Non, c'est une très très bonne idée. Un autre fait que tu savais peut-être pas qui va te surprendre, c'est pas le gars le plus propre, ou en tout cas c'était pas le gars le plus propre au monde. Pendant qu'il travaillait chez Atari, il a été déménagé au quart de nuit parce qu'il avait une mauvaise hygiène de lui et sentait terriblement mauvais. C'est quelque chose. C'est pour ça aussi que depuis qu'il est revenu à Apple, il est toujours habillé pareil. En fait, c'est pas juste pour ses présentations, il est juste toujours habillé comme ça. Ben, tu m'amènes au prochain point. Numéro 8, il a acheté son premier habit à l'âge de 22 ans. Il en avait besoin pour la West Coast Computer Fair de 1977 où il a présenté le Apple II. Et le prochain fait parle aussi de ses vêtements, son uniforme quotidien dont tu parles. On va dire les articles qu'il y a dedans si jamais vous voulez reproduire son look. Ouais. Tu sais. C'est un Saint Croix, Black Cashmere Silk Turtleneck Sweatshirt, donc un chandail col roulé. Cachemire et soie noir de Marc Saint-Croix. Il fit très bien avec les Lonely Island sur leur nouvel album, c'est Turtleneck and Chains. Oh, c'est vrai. Mm-hmm. Il fallait qu'on en fasse jouer. Un jean bleu de Marc Levy. Mm-hmm. Il en a plus de 100 de ses paires de pantalons, c'est ridicule. Et il y en a plus de 100, je sais pas si sont aussi usés que tous ceux qu'il met à ses présentations, mais moi, j'ai jamais trouvé que ses pantalons ont l'air propres. Non, mais ça reste des jeans aussi. Là. Ouais. Aussi, il pourrait au moins avoir des jeans noirs. Peut-être qu'il aime mieux la couleur. Il aime ça, la variété dans les couleurs, lui. Noir et bleu. Mm-hmm. Et ses souliers sont des New Balance de grandeur 14. On les voit ici en couleur bleu-gris sur la photo. Donc, j'imagine que si vous voulez copier ça, ça doit être la couleur appropriée. Fait numéro 10 sur Steve Jobs. Il a été déclaré mort une fois. Ah ouais. Si tu te rappelles, non? En 2008, Bloomberg avait envoyé sa déclaration de mort parmi son fil de nouvelles. Et instantanément, ça a fait fureur partout sur Internet. Tout le monde se partageait un peu comme plein d'autres vedettes là, à travers le temps. Numéro 11, il est fruitarien. La compagnie a été nommée Apple, surtout parce que Apple, c'est sa nourriture préférée, donc une pomme. Lui et sa femme sont des vegans stricts, donc ça, c'est végétalien, là, ceux qui mangent rien dérivé des animaux, les œufs et le lait, etc. Donc, ils mangent aucun produit relié à ça. Et c'est drôle, moi, je commence à penser justement à devenir végétarien, peut-être. Végétarien. Pas lien. Non, mais pour le moment, végétarien. Et il reste juste à convaincre ma femme, mais je vais le faire. Ta femme des enfants. Ouais. D'ailleurs, Apple, tu sais pourquoi? Ben, je sais pas si c'est dans tes faits, mais c'est lui qui a nommé Apple pour une seule raison, c'est que il y avait trois investisseurs, en fait. Il y avait lui, Steve Wozniak et un autre gars dont j'oublie le nom. Ouais, chose. les trois n'arrivaient pas à s'entendre. Ouais, plutôt. Ils n'arrivaient pas à s'entendre sur un nom à donner à la compagnie. Là, ils arrivaient à la date limite où il fallait qu'ils enregistrent leur nom, en fait, avec leur numéro de compagnie. Et Jobs a dit, si vous n'arrivez pas à quelque chose, tout simplement l'appeler Apple. Et finalement, ben, ils n'ont pas rien trouvé d'intéressant. Eh bien, eh oui, c'est super. Fait numéro 12, il a demandé au président de Pepsi de travailler pour Apple et l'a convaincu. Donc, il a réussi à convaincre John Sculley de quitter PepsiCo et de devenir le CEO, le Chief Executive Officer d'Apple, en lui demandant, et je cite, « Est-ce que tu veux vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou est-ce que tu veux changer le monde, bonhomme? » Ouais, et c'est ce type-là qui l'a mis à la porte par la suite. Eh oui. Numéro 13, son salaire annuel chez Apple en tant que Chief Executive Officer maintenant, c'est lui le CEO d'Apple, est de 1$, alors que son salaire annuel avec ses parts de Disney en bourse, 48 millions de dollars, donc c'est pour ça qu'il peut se permettre un salaire de 1$. Numéro 14. Et moins d'impôts aussi. Moins d'impôts, ouais. Probablement. Steve Wozniak, lui, reçoit des chèques d'Apple. Reçoit un chèque de paie à chaque deux semaines. Je sais pas de combien est le chèque, mais même s'il travaille pas pour la compagnie, il a toujours un chèque. Ça lui permet de changer de Segway une fois par année. Ouais, genre. Numéro 14, il est la 136e personne la plus riche du monde. Ah ouais, 136. Je pensais pas qu'il était si riche que ça. Mm-hmm. Sur la liste des milliardaires du monde selon Forbes en 2010. Donc, il vaut 5,5 milliards de dollars net worth. Et je pense qu'il vaut moins d'argent que Mark Zuckerberg. Ah, ouais, après autant d'années de travail, il s'est dépassé par un jeune blanc-bec qui a juste un site internet. Un petit cul! Numéro 15, oui, c'est un grand blagueur. On se rappelle tous pendant la présentation du iPhone au Macworld en 2007, il a utilisé un téléphone pour appeler chez Starbucks et commander 4000 lattés pour emporter. C'est génial. C'est un article qui vient de makeuseof.com. Makeuseof.com. Voilà. C'est un grand farceur, mais c'est également quelqu'un qui peut reconnaître ses erreurs et faire des blagues avec ça. Lorsqu'il a présenté iCloud, entre autres, il a dit pourquoi est-ce que vous nous feriez confiance avec iCloud quand on vous a emmené il y a 5 ans Mobile Me? Ah. Qui était le truc révolutionnaire d'avoir ses courriels n'importe où dans le monde. Mm-hmm. Grosse erreur à part de Jobs. Mais il en rit. C'est bien. J'aime aussi le fait qu'il est vraiment capable de récupérer de ses erreurs quand, mettons, le réseau marche pas, tu sais, ou quelque chose. Il veut tout faire une petite blague là-dessus. Ouais, bien, exactement. Là. C'est quelqu'un d'assez sympathique, je suis sûr. Quelqu'un qui est très, très focusé sur son travail, qui travaille beaucoup, mais je pense qu'il est capable aussi d'être tranquille. Et tu savais aussi qu'il a marié la chanteuse Joan Baez, vous plaît. qui est une chanteuse folk très très populaire. Ils ont eu un enfant ensemble, je crois, et c'est juste parce que c'est un fan fini de Bob Dylan et elle a été la copine de Bob Dylan pendant quelques années. Ah! Ouais. Et il l'a marié et on dit en fait que c'était un mariage qui était sans amour, puisque c'était surtout un intérêt de fanboy de la part de Jobs. C'est vraiment incroyable. Un peu comme les fans d'Apple envers les ordinateurs. Ouais, dans le genre. Il n'y a pas encore de personnes qui ont essayé d'acheter leur, de marier leur MacBook, par contre. Non, ça pourrait venir. Ouais. Tu sais, il y en a qui marient leur oreiller. Il y en a qui appellent le Apple Store la cathédrale. Fait qu'imagine. Ouais. Et le iPhone, c'est le Jesus Phone. Ouais. Il ne faut pas exagérer. D'ailleurs, parlant, on va passer une dernière affaire de produits Apple. En fait, ben, la on peut durer tant que tu veux aujourd'hui, en fait. The Crunch, en fait, présente le MacBook Air Killer. Pas un autre killer de quelque chose. Ouais, hein, quelque chose qui devrait tuer le MacBook Air. J'ai un peu de mal à y croire, mais quand même, c'est la première PC Ultrabook qui est lancée par c'est-à-dire Asus. Et cet Ultrabook-là, en fait, serait la réponse au MacBook Air. En fait, sur la photo, j'ignore si c'est du Photoshop et que c'est vraiment comme un mix entre les deux ou c'est vraiment le modèle, mais c'est pareil comme un MacBook Air, là, aller jusqu'à la, tu sais, en lame de rasoir avec une prise USB et peu importe. Je pense que, par contre, que c'est le vrai modèle. Je suis pas mal certain. Bref, ça va être vendu à prix beaucoup plus bas que. Ben, espérons-le, là. Oui, et on dit donc que ça serait beaucoup moins que 1000$, que le 1000$, en fait, que coûte le plus taxe, plus AppleCare. Ouais. Ben, non, AppleCare, ouais, plus taxe. Plus taxe, plus AppleCare. Ça fait à peu près 1600. Toi, le mien, c'est à peu près ça. C'est cher. Ouais, pas mal. Mais on dit que ça serait beaucoup moins que 1000$. Donc, bref, on passerait pas la barre de 1000$ pour cet ordinateur-là. Et on aurait aussi également, donc, les Sandy Bridge Core i5 qui est utilisé dans le MacBook. Ça va être intéressant. Mais bon, pas de système d'exploitation, pas de multitouche. En tout cas, sur Windows, c'est pas encore au point. Si vous avez Linux, par contre, vous pouvez en faire beaucoup de multitouches. C'est très, très, très au point. Je comprends pas pourquoi Microsoft s'inspire pas justement de ce qui est fait avec ça. Mais bref, vous pourrez aller voir ça. Le nouveau, il s'appelle le Ultrabook de Asus. Il devrait être disponible bientôt. J'ignore, il n'y a pas vraiment de date de lancer. Pour moi, ça devrait être à cet automne qu'on devrait avoir ça. Intéressant. Ouais. Pareil, comme le MacBook Air. Merci, Simon. Ça fait plaisir. C'était le scoop des internets. Oui. On va retourner en musique un petit peu. Le scoop des internets étendu d'une heure et quart. Fois trois. Ouais. Genre une heure et quart. Ouais. Bref, c'était comme, on pourrait considérer ça comme la troisième heure. Ouais. Presque. Ouais. Effectivement. On reparlera d'autres affaires de technologie tantôt si on a le temps. Ben ouais. On verra même. Feu de poubelle de Méta Griot. Tout de suite. À la vie de croisière d'assemblage requis. Bili, bili, bili, bili. Hey, je suis sur Google Plus. Hey, yeah. Oui. On m'a été envoyé ma pignée ça. C'est comment on dit ça sur Google Plus? Je sais pas, je suis arrivé. C'est bon. a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low, I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller, mon squelette au placard, mon oublié. Changer ce monde, un peu de musique. This is how we use it, how we usually do. Je ne dormirai pas, je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down, I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller, mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde, un peu de lumière, tous les mains dans les airs, la terre tourne à l'envers. Je me couche à l'heure du vampire, achever son empire à s'en déchirer le linge. Quand on s'endort, on oxe. Poussé dans des pensées comme mauvaise herbe et passer à l'action. Chasse même les sorcières, put your lights out. Je connais quelques histoires de monstres à faire grimper la colère à mon rideau de fer. Donc, j'irai tirer sur le monstre avec Claude, mais ne surtout pas le montrer, le monde parle trop. Come on! S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low, I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller, mon squelette au placard, mon oublié. Changer ce monde, un peu de musique. This is how we use it, how we usually do. Je ne dormirai pas, je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down, I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller, mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde, un peu de lumière, tous les mains dans les airs, la terre tourne à l'envers. Maman m'a dit monstre, ça ne se peut pas. Mercredi, quand on ira trop de fond. We'll be right back. Un petit bloc de francophones ici à la vie de croisière d'assemblage requis. C'était les Breastfeeders avec la fille dans la vitrine. Avant, c'était le monstre de Karim Ouellette. On a débuté avec Métagruau et Feu de poubelle. C'est la fin de la troisième et avant-dernière heure d'assemblage requis. Il nous en reste une quatrième. Et tantôt, Simon, Stéphane, évidemment, de la très fin d'être avec moi en ce moment. Je vais te présenter la chronique, ça existe, mais ça devrait répondre là. Yeah! Yeah! Pour parler de choses qui viennent régler des problèmes que t'as peut-être pas nécessairement dans ta vie. Ouais, genre. Alors, reste avec nous. Ça, c'est pas un gros problème, je pense. Non. C'est facile à régler, reste à l'écoute. Bah ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la quatrième et dernière heure de la vie de croisière d'assemblage requis en direct en ce jeudi 28 juillet 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Simon Fétibé. En remplacement de Marie-Pierre Lafolle-Bourret. Oui. Oui, est-ce que t'avais retenu tout ça, non? Oui, et pas mal moins joli, mais qu'est-ce que je veux dire? Ben, t'es un genre quand même assez... T'arrêtes, t'as jamais vraiment... platé. C'est un peu ça. Je vais arrêter, je vais tasser ma main. Ouais, genre. Ouais. Donc, allons-y avec la prochaine chronique. Hein. On a parlé beaucoup tantôt. Après ça, on a beaucoup écouté de musique. Là, on va continuer à beaucoup parler. C'est notre superbe et merveilleuse chronique que j'appelle « Ça existe, mais ça devrait pas ». On l'a. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. C'est évidemment la chronique qui vient vous résoudre des problèmes que vous avez pas nécessairement. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. Des problèmes non existants, donc voici des solutions existantes, mais qui devraient pas. Commençons avec l'outil de cuisine Click and Cook. Click and Cook, c'est un ensemble de 5 outils flexibles, spatules, cuillères, trouées, etc., etc., qu'on garde en permanence sur le comptoir dans un bloc en acier inoxydable. Par contre, c'est que ce sont seulement des ustensiles partiels. Aha. Donc, c'est seulement le bout de l'ustensile. Et là, tu prends une poignée qui est faite exprès pour aller sur chaque et tu la snaps après les différentes spatules. Ça sauve de la place, tu sais. Ben oui. Puis si tu veux t'en servir deux à la fois, ben, too bad, tu sais. C'est le genre de truc que j'aurais pas à la maison, mais que... Il devrait te fournir une poignée, deux poignées au moins. Il y a juste une poignée juste qui vient avec l'ensemble. Et là, tu la snaps après l'affaire, puis là, tu as un bouton pour l'enlever, puis la mettre après une autre affaire, tu comprends-tu? Okay, ouais, c'est en acier inoxydable, tout ça. Non, c'est vraiment pas très, très utile. Non, ça coûte 35$ chez Geek Colors. En plus. Ouais. Moi, j'irais avec une poignée par affaire, puis qui ne soit pas enlevable, mettons. Ouais, genre, style ce qui existe déjà. C'est ça. Ouais. Prochain article, c'est un iPhone, mais en beaucoup plus... plus haut en hauteur, d'accord? Ouais. Donc, ouais, un iPhone genre 5, tu sais, mettons, on pourrait dire, c'est peut-être ça, le prochain modèle, tu sais. C'est que dedans, OK, c'est rechargeable, dedans, t'as une fan, OK? Donc, c'est vraiment comme un genre d'upgrade, si on veut, à ton iPhone. C'est fait par les Chinois, évidemment. Donc, c'est une fan portative qui ressemble à un iPhone avec... qui charge via USB. Il y a une petite éponge à l'intérieur qu'on peut tremper d'eau. OK. D'accord? Et ça va t'aider à te refroidir. Pour te refroidir. Ah, tu vois, c'est possible. Ouais, ça serait peut-être bien. $10 américains. Puis tu peux avoir l'air big shot avec un genre ouais, de gros, c'est ça, gros iPhone. T'as l'air cool, tu sais, avec ton truc. T'as l'air des sitcoms des années 80, tu crois qu'il y a un gros téléphone. C'est bien, bien gros. Il y a une vidéo, si vous voulez, sur assemblagerequis.com. Prochain gadget, c'est le Space Intruder Multitool. C'est un porte-clés, premièrement, avec un genre de Space Invader, tu sais, les petits monstres dans Space Invader. Ouais. Sur les côtés, t'as des genres de flaps, OK, de métal, qui se défont, qui se remettent droit, et puis ça devient un tournevis. T'sais. Tournevis étoile, ouais. Tournevis plat, puis après ça, tu le replies, puis ça redevient la forme d'un Space Invader. Ah, mais c'est bien intéressant, c'est ça. Super. Ça coûte $24, par contre. Ah, tu vois, ils ont fait des tournevis également avec le tournevis Docteur Who a un tournevis Sonic, j'ai juste Sonic Screwdriver dans la tête, mais en tout cas, et tu peux rajouter des vrais embouts dessus aussi, donc c'est aussi inutile que ça. C'est super. Prochain problème, t'es devant ton ordinateur, t'as tous les yeux qui coulent, t'as les yeux secs, mettons, t'as les yeux secs, c'est plus facile, t'as les yeux secs, okay? Donc, c'est une paire de lunettes que tu mets, OK, avec des trous sur les côtés. Et je sais pas comment ça fait, mais ça lubrifie tes yeux à chaque quelques heures. Ouf. Ça peut garder tes yeux rafraîchis pendant deux heures pour 50$. Dis pas même au Japon au mois d'octobre. Non, t'as vraiment pas pour moi. Je suis même pas capable de me mettre des gouttes dans les yeux. Donc, t'imagines? J'avoue. Vraiment pas. Je sais pas si c'est un genre de spray dans tes yeux, ça doit être fait. Non, pas de très bonne note. Tu vas faire du canot. Est-ce que t'es un genre de sorteur? Tu sais, vas-tu sortir avec moi comme genre Émilie Gauthier? La dernière fois que j'ai fait du canot, je me suis retrouvé dans la rivière. Donc, non, je fais pas de canot. Le canot, tu t'es retrouvé dans la rivière. Non, mais je me suis pas retrouvé. Là que t'es supposé aller. Non, mais le canot a comme viré de bord. Ah, toi, et dans moi la rivière? Aussi, ouais. Ah, ok. Ouais, t'étais pas genre de suivre ton GPS comme non, la fille non, en char? Non, vraiment pas. Je me suis retrouvé tête par-dessus bord. Bord en l'eau. D'accord. Ouais. Ici, c'est un canot que tu pourrais transporter sur ton dos. Donc, ça va pas vraiment régler ton problème, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Donc, c'est créé par Tor Design, un gars qui s'appelle Ori Levin. C'est le Haddock Canoe. D'accord? Mm-hmm. Ça ressemble plus à un kayak, mais il appelle ça un canot. Ça pèse jusqu'à 4,1 kg. Peut-être défait dans un sac à dos. Donc, en fond, tu mets ça, c'est fait de genre de fibre de carbone pour la plupart des affaires. À ce qui paraît que ça résiste à la chaleur et j'imagine à l'eau aussi. Tu l'assembles, dans le fond. Il faut l'assembler morceau par morceau. Non. Ou c'est quelque chose genre comme un système où c'est que tu as juste de à donner pliage. Un coup. De... Ben, okay, je sais pas s'il se défait d'un coup, ce serait bien. Ouais, ça, mais... ouais, ah bon, mais il faut juste pas que tu oublies de tout déplier comme du monde parce que l'eau pourrait rentrer. En effet. J'espère que les instructions sont vraiment claires ouais. Et faciles. OK, oui. En tout cas, j'aime ça. Ensuite, Canon, t'as sûrement vu ce gadget-là. C'est la nouvelle souris avec un clavier de calculatrice dessus. C'est une souris calculatrice. Non, j'avais pas vu ça. Non, ah, bon. Non. Donc, je t'en parle. C'est Canon, c'est la Xmark iKeypad et la Xmark iMouse qui vont se vendre 60$ chacune, disponibles en septembre et en août, respectivement, dans l'ordre que je les ai dit. Alors, les deux se connectent à votre ordinateur via Bluetooth et une est un clavier externe. Mm-hmm. Et... l'autre est une souris calculatrice. Ah oui, je vois, là, j'ai des images avant moi. Tu sais, t'as la souris devant toi, tu sais, puis là, tu peux cliquer sur les chiffres, faire des calculs, puis changer dans ta feuille Excel. Tu sais à quoi ça ressemble? Non. Un téléphone. Eh, hey, ben oui. Hein. Pas un mais ton téléphone, c'est la petite souris? Oui, avec une application. Oui. Oui, oui, oui, oui. Je m'en sers des fois à la TV dans le divan. Remote, c'est vraiment remote. Oui, oui, oui, c'est cool ça. C'est génial. Ça. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Donc, bref, ça coûte 60$ comme je disais, et Bluetooth. Donc, Bluetooth, ça a cet avantage quand même. Mm-hmm. Un autre problème dans la vie, tu fais des avions en papier, mais tu trouves qu'ils vont pas assez loin. Ouais. Ils vont pas assez loin. Ça, c'est juste le cas, ça, c'est de même. Ouais. Donc, c'est un kit de conversion avec un moteur et une hélice. Ah, ben tu vois, ça serait intéressant. Ouais. Ben si oui. C'est pas trop gros, tu peux l'emmener à l'école dans ton sac aussi. Exactement, c'est le Electric Paper Airplane Conversion Kit qui ajoute un moteur électrique avec une petite hélice à ton avion de papier qui donne environ 90 secondes de vol sur une charge de 20 secondes. Donc vraiment, là, tu cherches ça 20 secondes puis t'en as pour une minute et demie. Hein, c'est quand même bon, ça. Très mince, très léger. Le gars qui écrit l'article a l'air de douter. Moi, je me dis, s'ils l'ont inventé, depuis qu'ils l'ont testé. Ouais, ça doit exister. Ça doit exister. 20$. Ça a été testé. Ça doit être testé. Ouais, c'est ça. Donc, 20$, c'est pas cher si vous êtes le genre à faire beaucoup d'avions de papier pour devenir rentable. Mm-hmm. Parce que sinon, on s'entend qu'une pile de papier, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Si tu fais juste une fois ou deux, oublie ça. Ouais. 10$ l'avion. On passe du papier au carton maintenant parce que tu vas en camping des fois et là, tu trouves ça vraiment cher, là, une glacière. Ou même, tu vas à l'épicerie, tu as sûrement vu les glacières en styromousse. Là. Ouais, c'est pas très pratique ça. Non. Pas pratique du tout. À la place, ce qu'il faut, c'est une boîte de carton, OK, qui te vendent avec un intérieur imperméable. Uh-huh. OK, donc tu achètes cette boîte-là. C'est fait de 70% de matériaux recyclés, d'accord? Uh-huh. Fonctionne aussi bien que celle en styromousse. Tu mets deux sacs de glace, ça va garder ta nourriture froide jusqu'à vers les 41 degrés Fahrenheit pendant 36 heures. Si la température ambiante est autour de 77. Plus il fait chaud, moins ça va durer longtemps, mais quand même, ça va tenir tes affaires froides. L'intérieur et l'extérieur de la boîte sont couvertes de NorShield Waterproof Coating, donc à l'épreuve de l'eau. Donc, on peut mouiller ça. Hein? Et quand c'est arrivé à la fin de sa vie, donc quand c'est trop magané, je ne sais plus trop qu'est-ce qui se passe, quand ça devient plus utilisable, c'est recyclable complètement. Tu mets ça dans le recyclage. Ouais, mais tu sais, moi, à quoi j'ai pensé pendant que tu me disais tout ça? Non. Prends un grand morceau de polythène en plastique, mm-hmm. Tu mets ça dans une boîte de carton, okay. Tu mets de la glace. Puis ça coûte pas 15$, c'est ça? Non, c'est ça. Ça revient à la même chose. Et c'est recyclable. Je sais pas si c'est du polythène, c'est recyclable, mais tu peux réutiliser ton polythène après que ta boîte se soit affaissée. Ce serait possible. Il y a plein d'autres solutions que celles qu'on a suggérées. Ouais, on essaie de vous sauver la vie ici. C'est ça. C'est 15$ pour une offre d'introduction et ensuite, ce sera 20$ par boîte. oui. t'as un autre problème. Toi, tu fais du yoga tous les jours, je te reconnais. Là. Ah oui. Je te connais. Moi, je fais la position du... L'hommage au soleil, qu'il appelle, là, quand tu te baisses. Ouais, ouais. Ah, ça, je suis très, très bon pour ça. On t'appelle le yoga. T'sais. Ouais, c'est ça. À la place d'appelissement. Donc, le Core Yoga Mat Organizer. Pas obligé de rire. Core Yoga Mat Organizer, quand c'est pas drôle. Donc, les gens transportent souvent un matelas, un petit tapis de yoga, puis là, bon, ils roulent ça avec un élastique ou je sais pas, des attaches poubelles. C'est pas chic, c'est pas beau, ça fait dur. C'est à l'air. C'est bref. Ici, c'est un beau petit gadget qu'on te fournit, que t'achètes, et demande le Core, qu'on l'appelle. C'est une combinaison bouteille d'eau, contenant de transport de différents gugus, et une bande que tu attaches après ton tapis. Donc, c'est plus facile de garder tout ensemble. Ben ouais. Ben oui. Le Core a même un intérieur triangulaire pour que ce soit plus facile de rouler tes affaires qu'un cylindre, finalement. Ouais, mais c'est intéressant, ça coûte 21$. Et, ils doivent avoir un minimum de 800 ventes avant d'entrer en production. Donc, participer maintenant pour peut-être plus tard avoir un produit. Pour pouvoir avoir la chance d'être parmi les 800 premiers. J'espère bien que ça va se faire. C'est une bonne idée, ça, des idées de même. Là, bon. Autre problème. On résout tous vos problèmes aujourd'hui. Hein. T'as un ordinateur, premièrement. Ça, je pense que c'est clair en le regardant. Ouais. Bon. T'as un sac pour le mettre? Oui. Mais est-ce que tu peux jouer de la guitare avec ton sac, par contre? Non. Ah! Voilà la solution! C'est un sac d'ordinateur avec une guitare dessinée dessus. Et il y a un amplificateur qui est attaché au sac. Non. Et des accords que tu peux faire qui sont préprogrammés. Tu peux jouer ta guitare. Non. Je te jure. Je cours m'en acheter un à l'instant. C'est l'Electronic Rock Guitar. Tu cours bien, Simon. C'est crazy. Electronic Rock Guitar Bag avec un amplificateur miniature. J'adore ça. Même que l'amplificateur va jusqu'à 11. Comme, oui, comme dans Spinal Tap. C'est génial. J'adore. C'est J'achète. Prenez mon argent. Ça peut aller jusqu'à 17 pouces d'ordinateur. Donc, je crois que ton 11,3 va... Ah, mais c'est compliqué de trouver. Ça m'a pris du temps à magasiner mon sac pour mettre mon trop gros. Parce qu'ils sont tous trop gros ou trop petits. Ça chambarde. Ça chambre en ville. Un truc pour les gens qui ont des MacBook Air comme le mien, un sac pour un iPad, bien souvent, pas toujours, des fois, peut fonctionner. Ouais. Un sac bandouillard. Pour iPad, des sacs bandouillards pour iPad, ils rentrent parfaitement et t'as l'air très cool quand c'est pour ça. Donc, ça, c'est un conseil pour ceux qui n'ont pas de MacBook Air. Pour ceux qui ont un MacBook Air. Il y en a un et qui n'ont pas de sac. La solution pour ceux qui n'ont pas de MacBook Air, c'est que Simon vient de dire qu'il y en a un, fait que passe au studio. Bon. Non. Parce que moi, j'ai toujours peur de parler de mon ordinateur en studio, en onde. Oh, je me dis, quelqu'un l'entend à radio, pow! Non, je pense pas qu'il y ait grand danger. D'accord. J'ai pas mis mon adresse sur Google+. Oh, le studio, pas. Un ordinateur de souris pour la ceinture. Non, mais je donne des indices au monde s'ils veulent le voler. Ouais. Bonne J'en ai un moi aussi, Vincent. Tu te sens tellement geek. Tu portes des pantalons, bon, tu sais, des fois, t'as peut-être perdu du poids. Simon, t'as perdu du poids. Non, mais prends ça comme un compliment, mettons. T'as l'air d'avoir perdu du poids. Ah, ok, merci. Participe au jeu, là. Donc, tu as besoin de quelque chose de geek pour attacher tes pantalons. Ouais. Donc, tu peux avoir une souris compacte à deux boutons dans le temps. Tu sais, là, dans le temps, les souris, deux boutons compacts. Oui. C'est comme bouton, comme chose de ceinture. Oh. C'était quel rang? C'est génial. Tu peux aussi avoir une souris Mac. La Magic Mouse, l'ancien modèle. Ah ouais? Oui, l'ancien modèle. Avec la petite roulette. Ben, il n'y a pas de roulette dessus. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de. C'est l'ancien modèle, ancien, dans le temps qu'il y avait. Ok, pas de ouais, dans le temps que tu cliquais. Ouais. T'avais juste un clic aussi. Ouais. Notamment. Mais c'est ça, le book de ceinture, c'est super génial. Il y a une galerie de photos si vous voulez aller voir ça. C'est un site Etsy, donc c'est quelqu'un qui, j'imagine, a dû acheter ça dans une vente de garage, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup de chaque modèle, mais c'est disponible sur son petit magasin. Tu sais, Etsy, c'est pour les gens qui font des affaires à la main et qui les vendent. Ouais. Super custom. Tu peux l'avoir en plein d'autres choses. Bon, des fleurs, des niaiseries de main, des croix. Mais aussi d'autres affaires d'ordinateur comme la POC Mouse. Tu sais, là, les anciens iMac, les premiers iMac qui étaient full couleur fluo. Ouais. Leur souris, c'est comme une POC de hockey. Ouais, c'est vrai, c'était rond, ouais. Donc, tu peux avoir ça aussi. Donc, vraiment. Ouais. Et donc, si vous êtes trop pauvre, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre la souris avec un cordon et l'attacher au bout de vos pantalons. Mais t'encourages pas les artistes? Non. Non, t'encourages l'environnement en recyclant. Ouais, t'es rabat-joie pas mal, je trouve. Non, mais je trouve ça intéressant. Voir la photo, probablement, je trouve ça intéressant. Ouais. Voilà, ben t'iras sur assemblagerequis.com parce que tout le monde à la maison peut suivre en même temps que moi, j'aurais dû dire avant la chronique. Ben, je pense que tu l'as dit, en fait. C'est juste moi qui étais inattentif. J'étais sur Google+. Non, ben, Colin de traite. Le gars, il est plus sur Facebook parce qu'on peut pas y écrire. Il faut y écrire un courriel tout seul alors que j'écris tous mes chroniqueurs par Facebook, mais il y a Google+. Bon. Les courriels étaient là bien avant. OK. Ben oui, mais tu sais, les dinosaures, c'est la belle avant, ils sont plus là. Hein? Loch Ness. C'est un dinosaure. Le Loch Ness, les tortues. Dinosaure. Les tortues de Bazaar, comment? Hop. Il y avait des tortues dans le temps du Jurassique. Ouais. Tu m'as battu. Ouais. Jurassic Park. Ils sont allés chercher où, les dinosaures? C'est-tu Tortue Park? T'sais, tant qu'à la suite de ça, ça pourrait être la suite, mettons. Non? Tortue Park. Hey, ils veulent en faire un 4. Hein? J'ai vu ça dans les nouvelles. Un Jurassic Park 4? Mm-hmm. Ah, oh, ouais? Ouais. Wow. C'est, j'ai hâte. Hein? Je sais pas. Non, pas certain. Pas sûr. J'ai hâte d'un nouveau Tortue Ninja, quelque chose. Il n'y en a pas déjà de nouveau? Dessin animé. Ouais, il va y avoir un nouveau Ghostbuster aussi qui va sortir. En fait, qui est en pré-production présentement depuis 2 ans. Ouais. On l'attend. Mais tout le monde serait de retour, en fait. Même Bill Murray. Cool. Mais... le jeu vidéo a l'air cool, là, ça. Oui, le jeu vidéo est intéressant. J'ai joué sur la Wii. C'est plaisant, mais ça a l'air beaucoup mieux sur la Xbox. As-tu essayé les nouveaux Retour vers le futur? Non. Ça a l'air bon. Oui, j'ai vu les vidéos de ça. C'est disponible sur la Wii? Je crois que non, c'est disponible sur PC, c'est disponible sur PlayStation 3 et Xbox, mais j'ai vu les vidéos de présentation, j'ai malheureusement pas joué encore. Moi, je suis du genre à m'acheter plein de jeux. C'est pas cher, tu sais, quand il y a des deals. Pile, ouais. C'est ça, plein de moments, je vais jouer. T'sais. J'ai comme Mirror's Edge, que ça fait des années que je veux jouer à ça. Ah, c'est bon, ça. J'ai pas encore joué. Allez, je vais pas jouer. Tu devrais t'y mettre. Est-ce que t'as mal au cœur en jouant à ça? Non. Ils ont mis un petit point au milieu de l'écran. Ah oui? Je ne sais pas si ça fait longtemps. C'est une belle sous-branche d'une sous-branche. Hein, ouais. On vient de dire. Exactement. On va aller en musique. On va aller continuer par palmarès parce qu'il nous reste encore les positions 5 à 1 à aller entendre. Il nous reste environ 45 minutes. Ça va être exactement parfait pour entendre tout ça. Donc, tout à l'heure, il y aura Atomic Baobab avec Foxtrot Uniform. On débute avec The Megaphonic Thrift. Voici Talks Like the Week King en position numéro 5. Vous êtes à la vie de croisière d'assemblage requis sur cette. fucking sex appeal. Atomic Baobab et Foxtrot Uniform FU, ça monte de 4 places en 4e position. Et avant, c'était The Megaphonic Thrift avec Talks Like the Weeking. Ça monte de 2, donc de la 7e à la 5e, sur l'album Decay Decay. Peut-être que Foxtrot Uniform, ça veut pas littéralement dire FU. Autant que Britney Spears, ça veut pas dire Fuck Me, tu sais. Peut-être. Ça se peut. F-U-C-K Me. F-U-C-K Me, tu sais, là. La tonne de Britney Spears. F-U-C-K Me. Je sais pas, je connais pas. Non plus. C'est nouveau ou. Non. C'est vieux. Ouais. Ah. Mais tu sais, ça me rappelle que dans la vie, tu sais, je sais pas, toi, en tout cas, tu me diras ce que t'en penses. Tu me diras si tu trouves que t'es pas d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite comme de quoi jouer. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop court. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite comme de quoi jouer. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Ouais, merci. Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. Tout le temps de quoi. Je fais tout le temps ça par surprise. Tu sais pas que l'intro s'en vient. Ouais, exactement. J'écoutais la TV. Je regardais la télé. Écoutez, regardez la TV. Regardez la télé. Ouais. Bon. Puis là, je remarque, il y a une annonce. Bon, mettons, je sais pas. La fille, elle se prend pour un médecin. T'sais, la fille est déguisée en médecin. Mm-hmm. Elle va dire en tant que médecin, nanananana. Puis là, en bas de l'écran, c'est marqué c'est un acteur. Ça, c'est n'importe quoi. Soit prends un vrai médecin, tu sais, ou soit prends un acteur, mais fais-y pas dire qu'il est un médecin, tu sais. Exactement. Fais juste présupposer en regardant son stéthoscope. C'est comme les docteurs à la TV, tu sais. L'émission Les Docteurs, faut qu'ils portent un habit de docteur. Ouais, mais ça, c'est des vrais médecins. Ouais, je sais, mais tu es obligé de porter un habit de médecin à ton émission, docteur? Ah, ça, c'est le concept, parce que tu sais que les docteurs à Radio-Canada, c'est un concept qui s'appelle The Doctors aux États-Unis. Ils ont trouvé un titre quand même popé pour matcher l'anglais. Ouais. Ouais, mais c'est. Moi, je suis pas au chondriac, donc je peux vraiment pas regarder ça. J'avoue que ça fait peur, parce que t'as l'impression de tout avoir. Ouais, ouais, exact. D'où le nom hypochondriac. Mm-hmm. Mais c'est ça, je comprends pas. C'est comme, mettons, tu sais, à la télé, il y avait une annonce aussi d'un. Je me rappelle pas c'était quoi, mais mettons, une annonce d'auto, quelque chose du genre, je sais pas trop quoi. Ou tu sais, un gars qui courait, mettons. Puis là, c'était super dangereux son affaire. T'sais. C'était vraiment ultra, ultra, super trop dangereux. Puis il écrivait en bas de l'écran ne pas refaire à la maison. T'sais. C'est sûr. C'est sûr, c'est une affaire ultra dangereuse. Au pire, fais juste pas l'affaire super ultra dangereuse dans l'annonce. C'est ça, exactement. Pas le marquer. T'sais. Évite-toi d'écrire des petits textes en bas de l'écran. T'sais. Ah, mais même s'il ferait de quoi de moins dangereux, probablement que les avocats leur diraient que vous n'avez pas le choix d'écrire ça. Parce que si quelqu'un le fait, si un enfant le fait, ben vous allez vous faire poursuivre. Mais c'est comme, il me semble que ça devrait pas être illégal d'avoir quelqu'un déguisé en docteur à TV si c'est un acteur. Tu sais, mettons, tu te déguises en policier, tu peux te faire arrêter. S'il est écrit en dessous, s'il est écrit que ce n'est pas un médecin, c'est tout illégal. S'il n'est pas écrit, si la personne se fait vraiment passer pour un médecin, là, c'est pas correct. Nous, à la radio, mettons, est-ce que tu peux vraiment avoir un texte en bas de l'écran de la radio? T'sais, si, mettons, il y avait une publicité qui disait, moi, en tant que médecin, je recommande tel produit. À la fin, est-ce que ça devrait dire genre « C'est un acteur qui joue la part du médecin » Je pense que oui. Il faudrait dire « Mathieu Plante n'est pas un vrai médecin ». Ah! Ouais. Peut-être que dans ce cas-là, il ferait exprès pour trouver un vrai médecin. T'sais. Un vrai médecin ou quelqu'un qui a une licence. T'sais. Ouais. Ou un vrai docteur. T'sais, tu peux être docteur. C'est comme les docteurs à la radio américaine. C'est docteur whatever. Docteur Phil, entre autres, qui est pas un vrai médecin. Non, c'est un genre de psychologue, mettons, quelque chose. Il y a un docteur en philosophie. Philosophie, qu'est-ce que je dis là? En psychologie. C'est ça. Mais c'est un psychologue, mais c'est pas... C'est Dr. Phil, mais généralement, les psychologues s'appellent pas docteur. Non, c'est, en tout cas, mais il y a le droit parce qu'il y a un docteur. Oh, oui, oui, oui. C'est ça qui est bizarre. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils ont le droit. C'est probablement l'ordre des médecins aux États-Unis pas aussi puissante qu'au Québec. Le Collège des médecins au Québec est quand même assez gros. Je veux pas me prendre contre eux autres parce que je veux continuer à être soigné, mais c'est une très, très bonne organisation qui fait attention vraiment à qu'est-ce qui est représenté justement comme médecin ou non. C'est une bonne idée. Par contre, justement, c'est toujours de contourner légalement avec des avocats une façon comme ça qui énerve et qui écoeure. Ça, je suis vraiment d'accord que c'est n'importe quoi. Ouais. C'est comme il y avait une publicité d'un restaurant quelconque là, qui disait vraiment, genre, qui expliquait les portions. T'sais. Parce que l'idée de la pub, c'était que, bon, tu t'achètes, mettons, un sous-marin ou peu importe, t'avais aussi un biscuit, un chip et une liqueur. Ouais, à la fin de l'annonce, t'as le gars qui doit absolument dire le format de chaque affaire. Ouais, ouais. T'as droit à deux biscuits, t'as droit à un format petit de la boisson, t'as droit à un format 6 pouces de la saveur précisée dans le menu sélection. T'sais. C'est parce que ça prend 30 plaintes, secondes. Ouais, soit des plaintes et soit même des poursuites, des trucs complètement niaiseux. C'est vraiment stupide. Et aussi, moi, c'est quand ils mettent dans les pubs, mettons, un hamburger quelconque, n'importe quelle chaîne, un beau hamburger juteux et tout, puis là, il est écrit ne représente pas nécessairement ce que vous allez recevoir, des trucs comme ça. J'ai déjà vu ça à la télé, là, vraiment. Donc, ils disent la bouffe, ça sera pas nécessairement ça. Les annonces de bière, c'est la même chose. Maintenant, on peut plus présenter de la bière à la télé, tout simplement. Mais avant, on faisait ça et on mettait des jaunes d'œufs. On mettait un œuf, bref, dans la bière pour qu'elle ait l'air plus mousseuse, belle. Ouais, ouais, c'est incroyable. Wow. Et ils disent que bien souvent aussi, c'était une pizza ou n'importe quelle bouffe qui est présentée à la télé. Elle est plus comestible, cette bouffe-là, parce que ça fait déjà plusieurs heures qu'on la place tranquillement pour qu'elle soit belle. J'avais vu un reportage sur une fille qui s'occupe du plaçage des hamburgers. Vraiment, littéralement, il y avait du carton. Genre, je sais pas, c'était une boulette congelée ou je sais pas trop quoi, avec juste assez de... qui était grillé juste sur le côté pour qu'on voit bien le devant. Puis il y avait un carton. Après ça, la tomate choisie. Puis après ça, tu sais. On met de la cire ou de l'huile pour s'assurer que tout soit bien beau, bien luisant. Ça a l'air cuit, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un peu comme, ça me rappelle, c'est des boîtes de céréales ou n'importe quoi qui vont marquer genre présentation suggérée. Ça. Oui. Merci de me dire comment verser des céréales et de mettre une cuillère dans un bol. Avec du lait. C'est super. Avec des céréales avec du lait. Ah, c'est ça qu'il fallait mettre. Pas de jus d'orange dans mes céréales. Hein? Ah, mais il y en a qui boivent ça avec de la bière, des trucs comme ça. C'est vraiment dégueu. Hein? Ouais. Mon père, il se réveille avec un Pepsi puis un Joe. Ah, mais il y en a. Ouais. C'est tant mieux. Tu sais que c'était pas vraiment le sujet d'origine de ma chronique. J'aime ça. On dérive. C'était la chronique tout dans le quoi pour aujourd'hui? C'est Assemblage requis en dérive et non pas à croisière aujourd'hui. Ah! Carmen. Ouais. On dit fag. C'est un beau bateau qu'on a. Je sais pas ce qu'on va faire pour l'entreposer cet automne. On verra. On va continuer avec notre prochain bloc de palmarès. On va voir le sketch qu'on va monter par rapport à ça cet automne. Je laisse des indices quand même. Prochain bloc, on va entendre nos amis de chez Astra en deuxième position avec Beat and the Pulse. Mais on débute en troisième. Ça monte de 7 places. Voici Black Lips et Modern Art. Spend assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. Numéro 2. sachet de sel, ça vaut combien du picot de sel, tu penses? C'est normal? Je sais pas, c'est incroyable. Quand c'est rendu que tu payes ton beurre de pinot, ta mayonnaise, un petit cop, 35 cents en plus. Bon. On s'emporte. On va entendre. C'est pas grave, on joue pas là. On joue pas à la cafétéria. Oh, voilà. Attends, je voulais pas dire la place. On joue pas à la place. Hein. Ouais, là. Par là-bas. Bonjour à vous. On vient d'entendre Ostra avec Beat and the Pulse. Est-ce qu'on a l'air sarcastique, ironique? Oui, un petit peu. On monte de 4 places avec Ostra et avant ça, c'était Black Lips avec Modern Art qui monte de 7 places. Là, vous regardez votre horloge, probablement votre montre, sûrement que vous avez acheté. Moi, je porte pas de montre parce que ça me fait des traces dans le poil. Je porte pas de montre parce que j'ai tout le temps un ordinateur tout bas devant moi. Exactement. Et des widgets. Donc, il est environ 25 minutes avant la fin de l'émission et il nous reste seulement la position numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit moment pour s'apprécier du francophone. Parce que vous savez qu'on est du côté anglophone cette semaine et on bascule de semaine en semaine. Franco, anglo. Brap, brap. Donc, on va sauter un petit peu du côté francophone. On a entendu plus tôt dans l'émission la position numéro 2, Métagruo avec Feu de poubelle. Donc, on peut pas la refaire jouer quand même. Non. On n'est pas à d'autres radios qui feraient jouer la même tune à chaque 2 heures. Hey! One minute. Donc, on va entendre numéro 3 et numéro 1. En position numéro 3, c'est Tracteur Jack avec Paris Robertval. Excellente pièce, excellente. Et ensuite, suivra le numéro 1 francophone, c'est Philippe B avec L'été. Comment ça tout de suite, Tracteur Jack? Ça jouerait jamais ailleurs, sérieusement. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ma bouche goûte encore le vin que j'ai bu en Italie. J'ai cassé la gueule à un Américain devant la fontaine de Trévi. Le contrôleur me surveille, l'air un peu surpris. Il semble bien armé, il est fier dans son habit. Ce doit être sa mère qui fait ses pantalons. On arrive à Paris. Pour impressionner les gens, ce doit être parisien. Et les parisiens sont des crétins. À force de s'intéresser à tout, ils ne s'intéressent à rien. Paris, les étoiles sur les cartes postales. Que je resserai chez moi à Robert. Assis dans un bistrot sur l'avenue La Motte Piquet, je commande un café avec du sucre et puis de lait. Le serveur me dévisage et me demande de répéter en français. Je renverse son plateau et je lui dis très calmement de finir sa Marlboro et de m'écouter attentivement. Je veux la café, s'il vous plaît. Paris était plus belle sur les cartes postales. Que je resserai chez moi à Robertval. Le loup avec une collection de bibelots, les tuiles qu'un jardin pourri. Versailles n'est qu'un vieux château, le Sacré-Cœur un temps fini. L'Arc de Triomphe traîne dans la rue. Je suis déçu par Paris. L'été, le cas. part sur la corde à linge et la tête au congélateur. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil. Passé l'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grands. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil. Heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. Philippe B, la pièce L'été, le numéro 1 francophone, précédé du numéro 3, Tracteur Jack avec Paris-Robert Val qui montait de 3 places. Il nous reste encore une quinzaine de minutes et là, ben, je pense que ce serait le bon moment pour aller entendre le numéro 1 anglophone parce que cette semaine, c'est notre créneau, l'anglophone. On va donc, c'est vrai, j'oublie, je l'ai pas fait la semaine passée, l'autre avant, je pense, parce qu'on dépassait tout le temps, on arrivait tout le temps proche de dépasser dans l'émission d'après. Mais là, cette semaine, l'émission d'après a pas lieu. Oh. C'est moins grave. Ouais. Mais bon, donc, c'est l'heure des jeux de mots. Oh, oh, oh! Parce que le numéro 1, ça mérite ça, là. Ouais. On s'en cachera pas. On saura pas quoi penser si on n'avait pas de jeu de mots. On saura pas où s'en aller. Oh! Saura pas. Sarah. Sarah. Nom de la pièce. C'est un peu plate comme jeu de mots. Ouais. Non. Mettons, tu dirais une note de 1 à 10. Tu dirais... attends, j'essaie de faire un autre jeu de mots. Non, j'en ai absolument pas avec le nom. Zéro. Zéro! Oh! C'est bon! C'est bon, Colin, t'es fort! Ouais. Tu l'as l'affaire, c'est comme tu fais... Chad! Chad Van Galen, c'est l'artiste. Oh. T'essaieras de faire un jeu de mots avec Chad Van Galen, tu sais? Non. Non. Non. Désolé. Désolène. Désolène. Chad... Van Galen. Van Galen. Ah, ça marche pas. Une chance qu'on a le fond en arrière parce qu'on est plate en mouvement. Oui, ouais. Chad est dans ma van de Gaydelin. De Gaydelin. On s'en va la lune. Ah, c'est vers la lune, ok. Non. Non. Non. Je vois pas comment faire un jeu de mots sans être offensant. Ah ouais? Ouais. Ok, tu me diras à rond, puis je vais prendre ça en note parce que j'aime ces affaires offusquantes. Ouais. Bon, donc, Sarah de Chad Van Galen, c'est à peu près ça. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'est, très belle pochette qui attire l'œil. Oui, tout à fait, ouais. Crime. C'est quasiment un trompe-l'œil dans le sens qu'il y a tellement d'affaires qui se passent en même temps que tu ne peux pas regarder ça. J'aime tellement les pochettes, moi, que. Ouais, ça, c'est dans les belles. Moi, j'aime les pochettes. J'aime particulièrement la discussion de pochettes à la radio. Donc, j'ai des branches, puis des arbres, puis de l'eau. Puis, imaginez-vous une forêt psychédélique. C'est ça. Allez sur Google, plus. Tapez Chad Van Galen. Il y a peut-être un compte. Ouais. Mm-hmm. Si vous voulez un compte de Google Plus, hein, mplante@gmail.com, je trouve qu'il y a un email. Oh yeah. Voilà. On se courriel. On se courrielisera. On se courrielisera. Sarah de Chad Van Galen. Ah, oh, attends un peu, là. Attends un peu, là. Ça manque d'effet sonore de quand on fait jouer le numéro 1. Ça. Ça donne pas le temps de danser ben ben, mais... Non, mais un petit peu. Deux secondes, c'est mieux que rien. Ouais. Bon. C'était la position numéro 1 de Chad Van Galen, Sarah. Ça monte d'une place sur l'album Diaper Island de cet ami Chad. Chaddy boy. Les découches. Les couches, les découches. Ah ben, Colin. Ça doit sentir bon. J'espère que notre super bateau de croisière va pas un jour se ramasser sur une île de couches. Ah ben oui, l'ambiance du bateau qui est, on vient de ressortir dehors. Exactement, font... parce qu'on était dans la cabine, c'est ça. Et là, on se promenait avec des remotes. Et voilà, des remotes, on a du budget, c'est fou. Oui. Des remotes, en veux-tu en voulant, on va aller taper des campagnes publicitaires pour un magasin de jeans. 6 700$ le micro. Sérieux? Ouais. 6 700$. Pour aller taper des pubs de jeans? Ouais. De bien payer la compagnie de jeans, par exemple? 200$. Donc, il faut plusieurs compagnies, j'imagine, pour financer ça. Non, faire pas mal. T'es bon en maths. J'aime ça. Il en faut pas mal. C'est très bien. Cela étant dit, on a terminé le palmarès anglophone. Mm-hmm. La semaine prochaine, on va donc retourner avec un tout nouveau palmarès francophone. Mm-hmm. Ça va être génial. J'ai très, très hâte d'entendre les nouvelles entrées qu'on va avoir. On se rappelle que récemment, les nouvelles entrées, c'était Erewhon et Malajubi. Mm-hmm. Malajub. Donc, la semaine prochaine, ce sera d'autres choses. Pour terminer l'émission, ou presque, avant de se quitter, on va entendre un petit peu de Bon Iver. Oui, Bon Iver, Bon Iver, Bon Iver. Je pense qu'il dit lui-même Bon Hiver, mais bon. Ouais, ben c'est Bon Hiver en français, ouais. Mais mal écrit parce que c'est un anglophone. Ouais, parce que s'il avait mis un H, les gens auraient prononcé Bon Hiver. Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Mais un peu partout dans le monde vont dire Bon Hiver, mais je pense que c'est vraiment Bon Hiver. D'accord. Est-ce que tu nous as choisi une pièce de cet album-là, je crois que oui. Oui, j'ai pas le titre, par contre, parce que ça fait pas longtemps. Il y a pas de perte encore à l'album. Mais la toute première pièce de l'album, qui s'appelle Perth. Perth, c'est pour ouais, ça mon jeu de mots, il y a pas de perte. Il y a pas de perte. Oh! Très bon. C'est un peu déplacé, par contre. Des fois, il y a pas de perte, ça pourrait mener à confusion avec d'autres choses. Moi, ouais, effectivement. Mais sérieux, si vous aimez cet album, en fait, si vous aimez cet artiste-là, le dernier album qui est sorti le 21 juin est excellent. Il s'appelle aussi Bon Hiver. Bon Hiver, ouais. Un album homonyme, comme on dit en bon français. Oui. Non pas éponyme, parce que les gens disent souvent éponyme, mais c'est pas. Expliquons-le aux gens. Les gens disent éponyme, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tort, Simon? Aucune idée. C'est pas ça, je te l'explique. Je pensais que tu savais, je voulais t'ouvrir la porte. Je me l'ouvre moi-même. Oui. C'est que sinon, le mot éponyme veut dire que l'album aurait donné son nom à l'artiste. Ah. Donc, ben là, ça marcherait dans ce cas-ci. Ça marcherait sûrement dans ce cas-ci parce que. Mais non, parce qu'il y avait déjà un album avant. Ah, c'est ça, t'as raison. Forever, go. Tout à fait. Avec VIP. Donc, le CD aurait donné son nom à l'artiste. Là, c'est le contraire. Donc, c'est homonyme. Homonyme veut juste dire qu'il porte le même nom. Exactement. Ben, et voilà. C'est réglé. Donc, on écoute Bon Hiver. Des erreurs qu'on voit même dans le journal, dans la presse cette semaine. Ils savent pas écrire, ce monde-là. Je m'attendrais à ça du Journal de Montréal. Mais... ouais, mais la presse, c'est impressionnant. Ouais. Impressionnant, la presse. Oh! Ouais. T'es pas pire. Bon album nostalgique, ouais. Bon Hiver, le Bon Hiver. Et son premier album est aussi vraiment orgasmique. Parfait. Et on va faire un petit peu comme le Journal de Montréal font. Vous écoutez La vie de croisière d'assemblage requis, présenté par le journal Zone Campus, qui fait partie du même groupe. Le gouvernement vole nos taxes. Ça finit bien, je trouve, l'intervention. Ben, tu disais Journal de Montréal. Ouais. Ah. Ah ouais. Vole notre argent. On est dans le rouge. Ça va pas bien. Éric Duhaime. Je suis pas assez nouvelle pour lui. Lui est au Journal de Québec, par exemple. Ah. Mais c'est de la propagande de droite. Bon Hiver, c'est pas de la propagande pour les saisons? Non. Non. Juste très, très, très bon. Crime. Je trouve qu'on aurait dû arrêter de parler de 2 minutes minimum. Mm-hmm. Ouais. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Ouais, mais là, tout ouais. Commence pour que ça, je te dis. Tu sais qu'elle est juste bien bonne. Mais qu'on... ouais. We'll be right back. Bon Hiver et la pièce Perth. Perth. Perth. Perth. Perth. On passe avec nos accents, on est pas très bon. Très bonne critique dans le magazine Mojo du mois de juin, je crois, parce qu'on est en retard sur un magazine anglais, donc ça prend du britannique. On est en avant qu'il arrive. Ah ouais, que... Par bateau et tout. Ouais, c'est ça, mais c'est album du mois, 5 étoiles, tout le gros kit pour Bon Hiver dans Mojo. Et sur Pitchfork et partout, c'est tout le monde est conquis par cet album. Ah, j'aime le fait que tu as trouvé un mot classe. Ouais, ben. Mm-hmm. On rappelle que l'album s'appelle Bon Hiver, de Bon Hiver. Ouais. Sans le H, comme toujours. Et vous pouvez également vous procurer là, son album For Emma Forever Ago, qui n'est pas très cher d'ailleurs. Si vous allez sur le site même de Bon Hiver, vous pouvez l'acheter autant en vinyle qu'en CD, version vinyle du premier album. 14,99, 11,99 pour le CD et pour celui qui vient de sortir, c'est pas trop cher non plus, à peu près dans les 20$. Ça vaut la peine, ouais. It's worth the pain. C'est la fin de la vie de croisière d'assemblage requis pour cette semaine. Je remercie évidemment Simon Fitzbé qui a passé une bonne partie de l'émission avec moi. Ben, merci de m'avoir reçu. Merci à tous les autres. Merci Mathieu Plante pour l'émission. Merci, trop gentil. C'est un beau 4 heures. Ça part toujours beaucoup trop vite ces affaires-là. Oh, okay, oui. À la semaine prochaine, ça va être Stéphanie Gagné qui va être à la co-animation. Mais t'es bienvenue de rester le temps que tu veux. Parfait. Évidemment. On va sûrement avoir aussi Justine Renaud la semaine prochaine, l'amie de Stéphanie et notre chroniqueuse à temps partiel. Restez sur nos ondes. Évidemment, on est en direct les jeudis entre 13h et 17h. Ce qui nous suit, c'est La Sécheuse, suivie de La Spirale à 18h. On joue aussi les samedis à partir de midi. Ce qui nous suit, c'est C'était fou, l'émission que j'anime en rediffusion. On est aussi les lundis de 15h à 19h. Ce qui, après nous, c'est La Sécheuse et puis Rock révélé à partir de 20h. Toi, Simon, on te retrouve ce soir, jeudi, à l'émission Un genre de bleu à 21h. Ok, oui. Qu'est-ce qui s'en vient à l'émission aujourd'hui? Eh bien, on va souligner, bien sûr, le décès d'Amy Winehouse. On va présenter un peu de ses grandes pièces parce que c'est une très belle chanteuse de jazz, une très bonne chanteuse de jazz avec beaucoup de potentiel qui a malheureusement brûlé. On va tourner autour de ce thème-là également pour la fin de l'émission, là, soit chanteuses ou artistes qui sont partis trop tôt. Un genre de bleu ce soir à 21h les jeudis. On te retrouve aussi les vendredis matin à Album Classique à partir de 10h et puis avec les éphémérides du rock dans Rock Classique à partir de 11h. Oui, effectivement. Vous pouvez trouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com et être amis avec nous évidemment sur Facebook en cherchant Assemblage Requis. Le petit bateau. C'est un bruit de bateau que... On est sur Google Plus maintenant aussi. Oui! Yeah! On se quitte avec une pièce de la trame sonore de Scott Pilgrim. Voici à... Qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est ça. C'est Frank Black avec I Heard Ramona Sing. J'étais plus sûr de la tune que je vais mettre. J'ai choisi la petite chansonnette. Bye, à la semaine prochaine. Merci, Simon. Bye-bye. Bye. Let's go.